Les mécanismes. Attends un petit peu, je l'ai perdu. De l'injustice. Oui, c'est pas de la justice, c'est de, ouais, l'injustice. De l'injustice. OK. Le processus de la justice. De, mettons, l'injustice. Est-ce que dans le temps, la justice existe, l'injustice peut pas exister dans le temps. C'est-tu possible, ça, ce que je dis là? Ben, premièrement, la justice sur la Terre, elle n'existe pas comme l'homme la conçoit. La justice, comme l'homme la conçoit, ça vient sur un phénomène de la psychologie de l'homme qui est dualitaire, c'est-à-dire qui s'évertue à toujours diviser en choses bonnes et choses mauvaises. Évidemment, entre l'extrémité bonne et l'extrémité mauvaise, tu as toute la phase de pluralisation des choses bonnes, moins en moins bonnes, aller jusqu'à un petit peu bon, puis etc. Mais l'homme est de toute façon dualitaire. On a donc des choses bonnes, des choses mauvaises, des forces du bien, des forces du mal. On a donc aussi la justice et l'injustice. Maintenant, pourquoi moi ça me... Donc, j'ai voulu aborder le phénomène de l'injustice, c'était pour plusieurs raisons. Pour essayer de clarifier un phénomène, un mécanisme qui entraîne l'homme dans des recherches, un mécanisme qui est souvent une des bases de la société, de nos sociétés, un mécanisme qui est aussi l'une des bases de notre système d'éducation, autant par rapport à nos complexes, à nos concepts, et à notre culpabilisation, comme par rapport à l'éducation qu'on donne à nos enfants ou encore l'éducation qu'on oblige à l'extérieur de nous. La justice est une chose qui n'existe pas sur la planète Terre comme l'homme la conçoit. Autant dire même qu'elle n'existe pas sur la Terre tout court. La justice qui régit le plan planétaire ou qui régit encore l'évolution de l'homme, la démarche de l'homme, c'est un phénomène mécanique qui est beaucoup plus relié au phénomène karmique qu'au phénomène psychologique. C'est-à-dire, on a par exemple comme justice, on a la justice humaine, celle qu'un juge de loi peut donner. On a une justice qui peut être amenée comme par une morale ou une philosophie. Disons que si on regarde simplement le fait qu'un individu qui commet un délit, un vol, alors s'il n'est pas puni, on peut penser qu'il n'y a pas de justice. Pourquoi qu'un individu qui travaille toute sa vie, qui est un bon père de famille, un bon citoyen, mort d'un infarctus du myocarde, une crise de cœur, alors qu'un criminel qui a tué trois fois est en prison puis va mourir en liberté sous conditionnel à l'âge de 82 ans. Alors là, on se demande où est la justice. Pourquoi que certains individus naissent handicapés, d'autres naissent en parfaite santé? Pourquoi certains individus en parfaite santé vont se détruire par la drogue, la boisson ou par différents mécanismes de stress psychologique, alors que d'autres qui n'ont pas les mêmes facultés vont arriver à des âges avancés dans des conditions plus ou moins correctes? Pourquoi certaines personnes hyper intelligentes deviennent séniles vers l'âge de 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, alors que d'autres qui n'ont jamais été extrêmement brillants restent dans leur état plus ou moins brillant jusqu'à leur mort? Alors, si on regarde simplement les mécanismes même qui vont diriger réellement la vie de l'homme, parce que le libre-arbitre, ça n'existe pas sur la planète Terre au même titre que la justice, s'il y aurait un libre-arbitre réel, l'homme pourrait arriver à instaurer sa justice sur la planète Terre. Mais vu qu'il n'y a pas de libre-arbitre, bref, que tu n'as pas le choix dans ce que tu veux manipuler, ben l'homme ne peut pas arriver non plus à instaurer une forme de justice. La justice humaine, c'est quoi? C'est que par rapport à des concepts, donc à des idées que je me fais des choses correctes, j'applique des punitions à ceux qui ne suivent pas le même cheminement d'idées que moi, et je récompense ceux qui suivent le même cheminement d'idées que moi. Si moi, je représente une société, alors je peux donc dire que va être criminel ou encore va être, disons, malsain pour la société. Tous ceux qui n'iront pas avec l'idée même de la justice que la société a. Et tous ceux qui vont aller avec cette idée-là, alors on peut leur donner des récompenses. Quoique plus souvent qu'autrement, on essaie surtout de punir que de récompenser dans les schémas sociétaires. Alors si tu es juste, on n'en parle pas. Si tu n'es pas juste, alors on te punit. La justice humaine, elle est premièrement de deux ordres. Elle peut être appliquée par l'homme, la loi. Tu peux faire ta propre loi dans ton système d'éducation familiale, ce qui est quand même un niveau de justice. Tu vas essayer, selon la justice morale, de donner autant de desserts à tout le monde, par exemple, alors ou encore de distribuer ton pain également. Si tout le monde a faim parce qu'on vit dans un état de famine, alors on va déclarer que la justice va être de diviser les rations équitablement. Qu'est-ce que c'est équitablement? Si je donne à celui qui a le plus de besoins plus et celui qui a le moins de besoins moins, est-ce que je suis juste? Si je vais dans une tribu où le chasseur, le plus grand chasseur, a le droit à la plus grande part du gibier, et après ça, les autres chasseurs, et après ça, les femmes et les enfants, est-ce que nous sommes justes? Eh bien, oui, nous sommes justes. Parce que le plus fort a la plus grosse proie. Mais c'est lui qui va ramener le plus de gibier au village. Alors, si on affaiblit ce meilleur chasseur-là, c'est tout le monde qui va en pâtir. Mais dans la psychologie de la masse, disons, de ceux qui ne sont pas chasseurs et de ceux qui ne voient pas l'utilité de chasser ou encore ceux qui ne voient pas la dépense d'énergie que cela va demander, eux autres vont dire que c'est injuste. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fonder un syndicat, disons. Ils vont se mettre la masse pour étouffer le chasseur le plus puissant, pour l'assommer ou pour le tuer. Alors là, ils auront droit à des parts équitables. Parts équitables qui diminueront de semaine en semaine parce que le meilleur chasseur est mort. Alors, si on regarde le phénomène de l'instauration de la justice par l'être humain, ça l'a amené l'être humain dans plusieurs guerres. Ça l'a amené l'être humain à pendre des innocents, à laisser en liberté des criminels. Ça l'a amené l'être humain à faire plusieurs choses. La deuxième forme d'expressivité de la justice humaine, c'est la justice divine. Alors, quand est-ce que tu dis que ça, c'est la justice divine? Quand est-ce que la masse ou qu'un individu va déclarer que l'événement qui vient de se passer est une justice divine? C'est quand un événement inconditionnel relié à un mécanisme, disons, planétaire, un événement dans la vie d'un être humain, va faire en sorte que la justice humaine va aboutir, même si l'humain ne peut pas l'aboutir lui-même. Je vais vous donner un exemple pour éclaircir un peu ce mécanisme-là. On a un criminel. La police l'arrête, disons, 8-9 fois, on le met en prison, mais son avocat, qui connaît plus la loi que l'autre avocat, parce que l'histoire, disons, de loi, c'est évidemment celui qui connaît plus la loi qui gagne, non pas la justice. Alors donc, notre criminel est relâché à chaque fois. Et à un moment donné, notre criminel, la dernière fois qu'il est relâché, il prend son auto, il s'en va, il y a un accident, puis il meurt. C'est la justice divine. Il méritait de mourir, ça fait 8-9 meurtres qu'il commet ou 8-9 délits. Et puis en fin de compte, l'homme n'arrive pas à le coincer selon ses mécanismes de justice. Et la vie, donc la justice divine, va s'en occuper. Tu souffres toute ta vie, tout le monde t'exploite, tu as un cœur extraordinaire. Et toi, tu crois que c'est une bonne qualité d'avoir un cœur extraordinaire. C'est un vache de défaut. Hein? Puis tu souffres continuellement du fait que tout le monde t'exploite tout le temps. Puis du fait que tu n'es pas capable de dire non. C'est pas une qualité, c'est un défaut. Mais un jour, tu gagnes à la loterie, et puis la justice divine, disons, te récompense. La justice divine, c'est quoi? Ça n'existe pas plus. C'est simplement que quand le concept de la justice de l'homme se voit accrédité par un événement extérieur, on décide que c'est la justice divine. Mais si le gars qui donne tout meurt, on peut parler de Satan, on peut parler des forces maléfiques, c'est encore la justice divine. On emploie le terme justice divine, ou encore c'est le destin souvent, quand ça cadre avec l'idée psychologique que nous, on se fait de la justice. Vois-tu, s'il y aurait justice sur la planète Terre, il n'y aurait pas de planète Terre. La justice, elle existe parce qu'il y a injustice et vice-versa. L'homme est duel et l'homme, ne comprenant pas un mécanisme, l'homme essaie d'envisager le mécanisme, l'homme essaie de spéculer, d'émettre des théories sur un mécanisme. Jusque-là, c'est une démarche qui est correcte pour l'homme. Mais l'homme s'évertue toujours à mettre de l'importance, ce qui va se transmuer en croyance dans ces mécanismes-là. L'homme va croire à ces théories, l'homme va croire que ces théories sont vraies. Pourquoi? Pas parce qu'elles ont été vérifiées, parce qu'elles n'ont pas été démenties. Alors l'homme qui émet des théories, et c'est un processus normal, le piège, c'est qu'il finit par croire que sa théorie est une chose réelle. Donc, automatiquement, l'homme finit par penser qu'il y a ou qu'il devrait y avoir justice. Alors, étant donné que Dieu le Créateur, pour certains, ou les énergies supérieures ou intelligentes pour d'autres, ne sont pas capables, malgré qu'elles auraient créé l'homme et la planète Terre, ne sont pas capables d'émettre une justice sur la planète Terre, l'homme va donc s'en charger. Et ça, c'était le problème de l'homme pendant longtemps. Alors, l'homme adore des énergies supérieures, mais l'homme se charge de faire ce que les autres ne sont pas capables de faire. Mais l'homme ne pense jamais que ces énergies-là ne veulent pas faire quelque chose, ou encore le font, mais dans un cadre tellement vaste que l'homme ne peut pas envisager ce cadre. Donc, n'envisageant pas le cadre, l'homme s'imagine qu'il n'y a pas de justice. Il y a justice. La justice, on la place dans un cadre d'importance. Alors, si on regarde simplement la justice dans le cadre réel de l'ésotérisme, la justice, c'est une loi d'équilibre. Une loi d'équilibre qui est perçue par la masse comme étant de l'injustice. Parce que si tous les bons ont tout et que les mauvais n'ont rien, les mauvais ne peuvent plus être mauvais et les mauvais n'apprennent plus rien. Les bons qui ont tout deviennent stagnants dans un tout et ils ne peuvent plus déguster ou ils ne peuvent plus voir l'importance, ils ne peuvent plus du tout arriver à vivre avec ce tout-là. Ce qui fait que ce tout-là devient un rien et nos bons vont devenir mauvais parce qu'ils vont vouloir rechercher un autre tout. Un exemple, la contrainte matérielle te limite. Tu finis par acquérir des formes matérielles suffisamment pour être bien, pour être à l'aise. Mais tu n'as toujours pas la réponse à ton insécurité, à ton incertitude. Alors, après la recherche matérielle, tu vas te lancer dans une recherche spirituelle. Recherche spirituelle qui va te mener d'école en école, de philosophie en philosophie, de religion en religion, de conférence en conférence. Si la recherche spirituelle ne se transmute pas en travail matériel, tu n'auras rien acquis de plus. Ce qui fait qu'après un laps de temps dans une recherche spirituelle, tu vas abandonner la recherche spirituelle pour revenir dans une quête matérielle. Et tu vas faire ce cycle-là, toi-même plusieurs fois dans une vie ou tes descendants, donc tes phénomènes de réincarnation, plusieurs fois dans plusieurs générations. Vois-tu, l'individu même qui réussirait à voir où est la justice, c'est quelque chose d'équilibre. Alors, plus il y aura d'énergies positives qui augmenteront sur la planète Terre, plus il y aura d'énergies négatives. Pourquoi? Pour que les deux processus puissent continuer à s'entraider. Disons que l'injustice sur la Terre, l'injustice vue par l'homme, c'est la seule justice qui est réellement divine et c'est la seule justice qui est sur la Terre. Qu'est-ce que c'est qu'une loi de justice? Alors, regardons donc la justice comme elle est réellement et non pas comme l'homme l'envisage. La justice, elle régit l'évolution de la masse planétaire sur la planète. Donc, il n'y a pas de justice pour un individu, il n'y a de justice que pour une masse, pour une collectivité. L'importance de l'évolution sur la planète, ce n'est pas l'être humain individuel. Lui, on s'en fout royalement. Parce que qu'il meure ou qu'il vive, il ne transforme pas le schéma évolutionnaire de la masse. Et quand je parle de la masse, je parle de tous les êtres vivants du contexte humain sur la planète Terre. 4 milliards 800 millions, disons, d'individus. Alors, ce qui fait que la justice dans une société ou la justice par rapport à un individu, c'est quelque chose qui n'est pas régi par un plan intelligent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas intelligent de le régir. C'est inutile. Est-ce qu'il y a justice entre un ongle et un autre ongle de deux doigts différents? Non. Pourquoi? Parce que ce serait stupide que ta conscience mette de l'énergie à savoir si les deux ont la même forme, la même grandeur, tu en brises un, donc tu brises l'autre, ou encore tu soignes, en tout cas bref. Pourquoi? Parce que c'est pas intelligent. Mais si ton ongle s'identifie à lui, si lui arrive à prendre connaissance qu'il existe, si lui arrive à savoir qu'il est là, lui, et qu'il aide le corps, comme l'être humain sait qu'il est là et qu'il a un plan à jouer dans l'univers, donc il aide l'univers, ben lui va vouloir émettre un concept de justice où on devra faire attention. L'index est le plus utile, tu devrais donc y faire plus attention. Mais c'est une justice qui va être dépendante du concept de l'individu qui s'identifie. Alors, ce qui fait que la justice elle-même, elle est commune. Regardons le plan planétaire. Tu vois des énergies ascendantes, des énergies en vibration basse, qui ont une tendance à augmenter en taux vibratoire. On appelle ça l'évolution, on appelle ça augmenter. Donc, on n'est plus évolué, c'est-à-dire qu'on est plus haut en termes vibratoires. Ces énergies-là, qui sont la race humaine, sont des êtres évoluants. Et extérieurement, au plan planétaire, donc extraplanétairement, tu as les énergies descendantes, le plan supramental, bouddhique et divin. Alors, ces énergies-là sont descendantes, c'est-à-dire qu'ils sont évolutionnaires. Ils évoluent. Ils ont, eux, tendance à ralentir leur taux vibratoire. Mais ce qui arrive, c'est que pourquoi dans la justice, les forces, disons, hautement vibratoires, ce que la dualité psychologique appelle les forces du bien, pourquoi ces forces-là vont gagner? Quand on dit gagner, on parle évidemment de notre concept de guerre entre le mal et le bien. Mais il n'y a pas de guerre entre le mal et le bien, comme il n'y a pas de guerre entre l'homme et la femme, sauf dans la psychologie de ces êtres-là, comme il n'y a pas de guerre entre le yin et le yang, les forces telluriques ou les forces solaires. Alors, ce qui arrive, c'est que l'énergie qui descend arrive à un moment donné, à, par attraction, à faire augmenter le plan planétaire. Donc, les énergies supérieures, en évoluant, font évoluer l'être humain. Si toi, tu es d'une polarité blanche et que tu t'approches d'un individu satanique ou luciférien, donc d'une polarité négative ou noire, ce qui va arriver, c'est que toi, tu vas être involué parce que ton taux vibratoire va diminuer pour tendre à un équilibre entre le taux vibratoire, disons, du mal, qui, lui, va augmenter vers le bien. Alors, toi, tu vas donc être enclin à diminuer, à revenir vers le mal, pendant que le mal va être enclin à remonter vers le bien. Où il y a justice et où il n'y a pas danger dans le plan planétaire, il y a déjà eu des risques de danger, en ce sens que le blanc devienne suffisamment noir pour ne plus faire autrement que de continuer sa chute. Alors, disons que ce mécanisme-là a déjà failli par deux fois, disons, à être opérationnel sur le plan planétaire. Présentement, c'est que ce qui va arriver, c'est qu'au niveau de la justice, c'est que tu as une énergie négative qui va être suffisamment blanchie, subtilisée, par une énergie subtile qui va être densifiée, et l'énergie densifiée, donc les forces involuantes, les forces supérieures, ne seront pas suffisamment rabaissées en vibration pour poursuivre leur chute. Par contre, les énergies basses vont être suffisamment élevées pour poursuivre leur ascension. Et là, il y a un mécanisme donc d'évolution, ce qui fait que les énergies intelligentes vont de plus en plus descendre sur la planète Terre, parce que c'est le temps que ça se fasse. Il n'y a pas de danger que l'être humain s'empare d'une connaissance, donc d'une vibration supérieure, pour l'assujettir à son plan planétaire et pour pouvoir s'en servir contre les énergies blanches, ce qui a déjà été un danger. Disons qu'il y a encore présentement certaines formes de danger, ce qui fait qu'en conférence ou encore par différents processus, on n'émettra pas en connaissance différentes formes de vibrations supramentales, par exemple, pour éviter justement que le plan astral ou le plan psychologique planétaire s'en empare. Présentement, la justice, elle est où? Elle est simplement là où il doit y avoir un équilibre dans l'évolution. Si, dans un endroit particulier, géographique, il doit y avoir une race humaine qui ne devra plus évoluer, c'est-à-dire qui devra être en contact plus longtemps, plus rapidement, avec une énergie évoluante, pour l'être humain, donc évoluante par rapport à elle-même, l'énergie supramentale, par exemple, alors on se fout du reste de la planète. On se demande pas si c'est juste que telle peuplade soit bénie ou que telle peuplade devienne une peuplade divine, un peuple de Dieu, comme on a déjà eu différents peuples de Dieu. Pourquoi y a-t-il un peuple de Dieu qui devra être supérieur au reste de la masse? Parce qu'il y a justice. Mais ceux qui sont les élus vont dire, c'est normal que nous soyons élus, nous sommes les meilleurs. La justice, disons, d'évolution n'est pas placée en ce sens que tu es meilleur ou non. Elle est placée en ce sens que, génétiquement parlant, tu dégages une forme corporelle la plus adéquate pour un travail à faire. Donc, automatiquement, il y a élection d'un peuple ou d'une race. Pourquoi d'une race? Justement parce que c'est lié au cadre génétique, pas au cadre psychologique et surtout pas au cadre religieux. Ce n'est pas parce que tu lis la Bible derrière aller jusqu'au début, ou du début aller à la fin, ou en commençant par le milieu, ou en mettant des taches de moutarde à chaque page, que tu es élu. Ce n'est pas parce que la Bible est écrite en hébreu, ou en juif, en allemand, ou en français, que tu es élu. Ce n'est pas parce qu'elle est d'une traduction ou d'une autre, ou parce que tu as une calotte sur la tête, ou encore que tu en as une sur le genou. Okay? C'est pas ça qui détermine un peuple de Dieu. Ce n'est pas une tradition. Ce n'est pas parce que tu gardes le vêtement porté par tes ancêtres il y a 2000 ans. Hein? Ces ancêtres-là portaient un vêtement comme ça parce qu'ils s'étaient adaptés à la mode de l'époque. Ils étaient suffisamment intelligents pour le faire. Et c'est pas parce que toi, tu prouves ton ignorance et parce que tu t'habilles de la même manière qu'eux autres que tu es un peuple élu. Alors, ce qui arrive, qu'est-ce qui fait que le peuple est élu, que la race devient élue? C'est que dans le corps physique de cette race-là, donc par l'évolution génétique, elle a suffisamment de solidité, de fortification pour être en contact avec une énergie supérieure. Alors, on se fout du reste. Alors, que ça crève au Bangladesh, mais on s'en fout. Que ça crève au Pakistan ou tout partout ailleurs, ça n'a aucune importance. Pourquoi? Parce que la justice humaine voudrait faire en sorte qu'on soit équilibré sur la Terre et que tous les peuples mangent à leur faim. Mais si les peuples ne mangent pas à leur faim, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité de manger à leur faim et d'avoir une compréhension suffisante pour pouvoir manipuler l'extérieur de façon à en arriver à manger à leur faim. Alors l'important, c'est que ça, l'être humain ne le conçoit pas. La justice, non. Que Rasputin vive, même si Rasputin couche avec le plus de femmes qu'il rencontre sur son chemin, que lui se drogue et que Rasputin ne puisse pas être assassiné, que Rasputin puisse atteindre le sort et guérir son fils à un moment donné lors d'un saignement, que Rasputin soit réellement une force luciférienne, mais que lui soit béni des dieux, où elle est la justice? Pourquoi l'être humain s'évertue-t-il toujours à vouloir enclencher un mécanisme de justice à partir de lui-même? Alors, si toi, qui ici n'a pas fait de vol à l'étalage à un moment donné? Mais qui ici est pour le vol à l'étalage et qui n'en fait plus? Alors, on est souvent contre ce qu'on a déjà fait parce que présentement, on se rend compte d'un mécanisme sociétaire qui fait qu'effectivement, ce n'est pas correct de le faire, mais on l'a déjà fait. Et maintenant qu'on le comprend, on est prêt à punir. Mais à cette époque-là, c'était mieux qu'on ne soit pas puni, parce qu'on est arrivé à comprendre, justement. Sinon, on aurait été refoulé et on aurait voulu prouver certaines choses. La justice, elle est où? L'homme n'a pas de libre arbitre. L'homme est manipulé. Et ceux qui ne peuvent pas voir la manipulation de l'homme, ben vous n'avez simplement... Quand vous avez un accident, c'est pas parce que vous avez allumé des cierges pour avoir un accident. Alors, vous n'avez pas de libre arbitre, puis il n'y a personne qui va avoir d'accident. Si vous êtes malade, vous n'avez pas souhaité votre maladie. Il y a des mécanismes d'ignorance psychologique qui amènent l'homme à être malade, mais ce n'est pas un souhait conscient de la psychologie. Alors, ce qui fait que la justice, elle existe, mais pas comme l'homme peut la concevoir. N'ayant pas de libre arbitre, personne n'a de libre arbitre. Premier plan de la justice, d'évolution. C'est-à-dire que les êtres humains sont manipulés, soit par les forces inférieures, soit par les forces supérieures. Donc, il y a cela de justice. Mais alors, de décider que toi, tu mérites ou tu ne mérites pas, c'est ridicule. Quand un paquet d'individus se réunissent pour pouvoir condamner ou, disons, gracier un individu, ils vont prendre des phénomènes, des idées, disons, que la défense en cours va amener, et à partir de ces connaissances-là, elles vont décider si il y a suffisamment de preuves pour dire que l'individu est hors contexte. Donc, l'individu n'a pas suivi la morale que notre société a instaurée. Il est donc criminellement responsable d'un acte. Mais l'affaire qu'il y a, vois-tu, c'est que une société se ramasse un certain karma. La société permet des choses, et la société en enclenche souvent. Mais la société, c'est qui? C'est les individus, mais ce n'est pas les individus. La société, c'est la collectivité, mais ce n'est pas l'individu. Alors, ce qui fait que l'individu ne peut rien changer dans la société, et la collectivité n'est pas changeable dans une société. Alors, ce qui fait que la société condamne un individu pour payer karmiquement toute la dette karmique que la société s'est ramassée. Alors, que l'on parle d'un innocent ou un coupable, ça a le même effet au niveau d'effacement de dette karmique. C'est-à-dire qu'au niveau de la population karmique, tant évidemment qu'on n'aura pas prouvé que l'innocent a été pendu, donc tant qu'on croit que c'est un coupable, il y a effacement de dette karmique. Et il y a une justice. La journée où des bombes nucléaires tombent dans une ville, Montréal ou Hiroshima, dépendant du contexte, ceux qui veulent un apocalypse et ceux qui en ont vécu une. Combien d'innocents sont morts pendant l'explosion des bombes nucléaires à Nagasaki et à Hiroshima? Bien, la majorité de la population était innocente. En ce sens qu'elle ne portait pas de vêtements militaires. Mais qu'est-ce que c'est qu'un innocent? Parce qu'on base notre justice sur l'innocence. Combien de fois la personne assassinée dans un endroit géographique du Sud a battu sa femme, a battu ses enfants, a peut-être même violé quelqu'un et on ne l'a pas trouvé. Et puis tout d'un coup, il y a des policiers qui défoncent une porte et qui l'assassinent. Alors, on veut avoir une justice qui fait qu'on veut condamner les policiers pour meurtre. C'est la justice. Ils sont graciés, il n'y a pas de justice. Mais qu'est-ce qu'on connaît du karma des individus qui sont mêlés au phénomène. Qu'est-ce qu'on connaît de la leçon qu'on veut donner à la société? Qu'est-ce qu'on connaît du contexte humain, psychologique, manipulateur des policiers en fonction lors d'un événement comme ça? Qu'est-ce qu'on connaît de ça? On ne veut rien connaître. Tout ce qu'on veut, c'est que justice soit faite. Pour que justice soit faite, il faut que tu connaisses les mécanismes même qui régissent la justice. Et ces mécanismes-là qui régissent la justice, régissent l'injustice chez l'homme. Alors, il y a eu parfaitement justice lorsqu'il y a eu meurtre ou assassinat ou mort. Par exemple, à Rock Forest ou dans d'autres régions de la province de Québec ou en Ontario. Lorsqu'un policier se fait descendre par un individu qui a tué un autre policier ici et qui a tué un jeune en même temps après avoir volé son véhicule. Ben, il y a justice. Pas dans la tête de l'homme. Il n'y a pas justice dans la tête de l'homme. Mais il y a tellement de mécanismes, hein, le phénomène même de la justice, que l'homme ne comprend pas, que l'homme appelle cela de la justice. Alors donc, ce sont les mécanismes de la justice que l'on va contourner, mais ce sont les mécanismes de l'injustice pour l'homme. Parce qu'il y a justice, justement, lorsqu'il y arrive des choses, mais que l'homme ne peut pas comprendre. Le fait que ça crève de faim dans une région permet à une autre région de se nourrir. Et la région qui a la possibilité de se nourrir, parce que les trois quarts de la nourriture fabriquée sur la Terre sont mangés par l'autre quart de la population. Alors c'est normal qu'il y ait les trois quarts monde. C'est pas le tiers monde, c'est les trois quarts monde qui souffrent de la faim. Mais pourquoi devons-nous... Moi, j'ai voyagé, vois-tu, au Guatemala, entre autres, et... Si tu voulais manger, t'as des oranges grosses comme ça, des pamplemousses, des ballons de soccer. Mais si tu veux manger des bonnes oranges au Guatemala, il n'y en a pas. Tu vas les manger au Canada ou aux États-Unis. Mais ils fabriquent les plus belles oranges du monde. Le plus beau coton, tu l'as au Canada ou aux États-Unis ou en France ou en Europe ou en Allemagne. Mais tu ne l'as pas au Guatemala. Les meilleures denrées sont exportées et le pays crève de faim. Malgré que la nourriture qui pousse là, ben, il n'y en a pas suffisamment pour nourrir deux fois le pays. Mais on l'exporte. Bon. Où elle est la justice? La justice, elle est extraordinaire. Les pays en voie d'évolution, ceux qui ont une génétique corporelle suffisante et suffisamment développée pour permettre une attention, disons, des énergies qui vont l'habiter, pour pouvoir les relier à l'énergie supramentale, ceux-là se doivent de vivre. Au détriment du reste, oui. Parce que le reste, on s'en fout. Parce que ceux qui vont vivre, donc les puissants, nous autres, hein, les continents industrialisés, eux autres ont le droit et le privilège de recevoir la majorité de la nourriture planétaire ainsi que la majorité des biens planétaires. Évidemment, il y en a plusieurs qui n'auront pas, mais ça n'a aucune importance. Pourquoi? Parce que si on distribue tout notre quota ici à eux autres, eux ne sont pas prêts à pouvoir s'en servir. Donc, il faudra continuellement distribuer. Nous, on va freiner notre évolution autant technologique que spirituelle ou ésotérique, ce qui fait qu'on va carrément empêcher l'évolution de la masse planétaire. Alors, si on veut aider, on aide d'une façon intelligente. Alors, il y a justice lorsque notre population reçoit plus. Il y a justice lorsque le Québec reçoit plus en termes d'énergie supramentale, en termes de tellement d'autres choses qui ne sont pas encore connues. Parce qu'il y a différents phénomènes. J'ai déjà parlé, moi, un peu, à un moment donné, de ce que Pierre-Éliott Trudeau avait à faire. Et que si on voulait avoir une idée de l'apocalypse, bien, il fallait suivre Pierre-Éliott Trudeau. Il fallait suivre ses déplacements. Et lors de cette conférence, on m'a demandé qu'en était-il de René Lévesque. Alors, j'ai pas voulu en parler. Mais observez présentement. Il y a des phénomènes au Québec qui se passent qui sont typiques. Et c'est normal. Il y a justice. Quand on voit, Daniel, comme cette semaine, si on regarde un petit peu entre les lignes, des gaffes, disons, appelons ça des gaffes, mais que des gens qui, comme un... En tout cas, entre autres. Des gaffes que toi et moi, on ne fera pas. Ben, un ministre envoie une cassette. Que d'autres vont faire. Bon, mais mettons, est-ce que... Ou un tel oublie ses documents quelque part, ou des questions qui sont remises, comme en Colombie-Britannique, on met l'éducation, est-ce que l'éducation va être obligatoire? Un tas de choses comme ça qui, en fait, ne surgissaient pas avant. Ou un gars qui donne sa démission au hockey, puis il n'a pas de l'air à... Il a de l'air à avoir une léthargie, mais c'est pas pourquoi qu'il adhère. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas? Alors, c'est justement, premièrement, le Québec, c'est un endroit géographique qui est séparé et qui va être de plus en plus séparé du reste du Canada et du reste du monde. D'accord? Sous bien des plans, il va être de plus en plus séparé. Bon, et ça, il va se passer des choses à l'intérieur de tout ça qui vont obliger une séparation de, disons, de la forme québécoise, même si certaines choses vont paraître totalement injustes à la population qui vont le vivre, comme au reste du pays ou encore au reste de la planète. Vois-tu, la justice, elle va amener la race la plus évoluée à avoir tout ce qu'elle aura besoin, autant en souffrance qu'en béatitude, pour arriver à être en contact suffisamment puissamment avec l'énergie supramentale pour transformer l'égrégore astral, pour finaliser sa subtilisation, pour le rendre moins dense. Ce qui va évidemment opérer une transformation sur le reste de la planète. La transformation sur le reste de la planète va se vivre comme plusieurs états de choc. États de choc qui vont dégénérer en guerre dans plusieurs régions. Le Québec, c'est un endroit, disons, qui est Yavik, mais qui va paraître prochainement pour le reste du monde comme un endroit d'enfer. C'est-à-dire comme un endroit où va naître la merde sur la planète Terre. Un endroit où va naître les conflits. Grâce au Québec, on va en arriver à balayer bien des choses. Même si le Québec n'a pas de puissance militaire, il n'en a pas de besoin. Le Québec a des puissances minières, des richesses premières qui sont extraordinaires. Il a aussi un contingent énergétique absolument différent du reste de la planète. Et ce contingent-là va être de plus en plus augmenté, identifié. Alors, ce qui fait que la justice... au niveau de la province de Québec, va être de moins en moins perçu par la masse. On va s'en aller dans des conneries absolument incroyables, dans des stupidités. Ben, ce style-là, par exemple, tout le monde sait que quand on parle avec un walkie-talkie ou avec une radio, ben, c'est des ondes, hein? Et puis qu'il n'y a pas de clé, tout le monde peut écouter. Alors, tout le monde le sait. Mais même ceux qui le savent vont faire des conneries. Mais des conneries, comme tu parles de ton joueur de hockey, il y a des choses bizarres qu'on va avoir de plus en plus, parce qu'il y a une démobilisation générale de la masse au niveau de la manipulation sociale qui a été commencée il y a quelques années dans la province de Québec, on appelle ça briser des formes, et qui va être de plus en plus accentuée. Ça veut dire que le culte du héros va être bâti prochainement, c'est du coup commencé, de façon à brimer de plus en plus la masse qui vont y croire. Ça veut dire ça que tu vas avoir des mécanismes, des élections bidons, tu vas avoir des meurtres de plus en plus crapuleux qui vont briser de plus en plus les règles normales de la justice au niveau de la province de Québec, c'est surtout là que ça va se passer. Tu vas avoir des phénomènes qui vont se passer dans le monde. Ce qui va arriver, c'est que le Québec va augmenter son taux vibratoire parce qu'il va cesser de s'attacher à des traditions. Alors, j'ai déjà dit dernièrement, moi, que quelqu'un qui avait une habitude, c'était une stupidité. Parce que l'habitude, c'était que tu répétais une chose sans en avoir conscience. Et avoir une tradition, c'est d'avoir une habitude de masse, une habitude collective, c'est une tradition. Et ce phénomène-là, non seulement il te rattache, il t'oblige à rester attaché à des mémoires du passé, répéter une tradition, donc tu ne peux pas aller vers l'avant ou vers l'avenir, ce qui fait que tu brises ton schéma d'évolution. Et le Québec, qui est en instance de séparation, depuis combien d'années? Donc, le peuple québécois est un peuple insécure, est un peuple incertain, qui se voue continuellement à essayer de se mettre des œillères pour voir de moins en moins où il va. Mais de plus en plus, il se voit ouvrir, justement, ces œillères-là. Et si le peuple québécois n'est pas suffisamment intelligent pour pouvoir, à un moment donné, ouvrir, ce qu'il, d'ailleurs, n'est pas, alors, il y a des choses qui vont se passer. De l'injustice évidente, qui est une forme de justice. C'est-à-dire qu'on va obliger la race la plus adéquate, malgré elle, donc c'est de l'injustice par rapport à la race même, mais de la justice par rapport à un plan d'évolution planétaire. Alors, on va l'obliger à briser ses formes, à briser ses traditions. Ça va être souffrant. Il va y avoir des meurtres, il va y avoir des assassinats parmi ceux qui vont vouloir briser. Il va se passer énormément de choses au niveau du plan québécois, qui est déjà pluralisé dans sa langue, dans son contexte d'éducation, dans son contexte industriel, dans son contexte d'amis extérieurs et d'ennemis extérieurs. Alors, on a tellement de phénomènes, on change de gouvernement pour un paquet d'alliés, on change de gouvernement, tout change complètement. On a des pays qui, ésotériquement, nous aident, comme la France, comme l'Angleterre, comme les États-Unis, puis comme... Et on a, au niveau du Québec, de plus en plus, puis on va en avoir de plus en plus, de formes d'injustice qui vont se cristalliser ici. Alors, ce qui va arriver, c'est que de plus en plus, les individus qui ne veulent pas comprendre vont devoir comprendre. Faut que tu perdes un bras, t'es le gars le plus intelligent du monde. Tu as des millions et tu en distribues. Tu aides, tu nuis. Tu n'aides pas, tu nuis. Alors, qui veut la paix sur la planète Terre? Mais si la guerre est essentielle, tous ceux qui luttent pour la paix vont devoir être éliminés parce qu'ils nuisent. Alors, la justice de l'homme va dire, ben oui, mais crime, ceux qui veulent la paix mort, ceux qui veulent la guerre gagnent 10 millions à loterie. C'est une justice, et c'est la justice. Parce que s'il y a un travail qui doit être fait, ben le travail va se faire. Et même à l'encontre de tous ceux qui ont une bonne volonté approximative, mais ils n'ont pas de compréhension de leur bonne volonté. Et ça, on a les astrales, justement, donc la manipulation psychologique planétaire, ça s'arrange justement pour faire en sorte que les individus luttent toujours contre quelque chose pour retarder l'évolution, jamais pour accélérer l'évolution. Alors, ceux qui, présentement, disons, nuisent à l'instauration d'un plan, sauf qu'au niveau du Québec surtout, donc au niveau de la planète, ben, ces êtres-là devront être éliminés. Ils vont l'être de plusieurs manières. Par la folie, par les dépressions nerveuses, parce qu'il y a plusieurs êtres qui commencent à se conscientiser, mais qui se conscientisent suffisamment, on l'a vu lors de la conférence des états de choc, suffisamment pour être rappelés par l'astral, et ils ne deviendront jamais des êtres conséquentiels, et ils seront même les piliers. Hein? Ils seront les piliers de la déchéance de l'homme. Et ces piliers-là vont naître au Québec. Mais ces piliers-là sont suffisamment évolués pour ne pas être assujettis aux destructions, disons, de ceux qui vont nuire, comme je viens de t'en parler. Alors, ce qui fait qu'un individu qui lutte pour la paix, un individu qui lutte pour la guerre, ces deux individus-là luttent pour rien. Donc, si à un moment donné, ils veulent se lancer dans un parti politique quelconque, s'ils veulent mobiliser des masses, s'ils veulent écrire des livres, alors, il y a différentes choses qui vont faire en sorte que ces individus-là devront être éliminés. Ou encore, leur livre ne fonctionnera pas, personne ne va venir les voir, il y a des choses que l'énergie va empêcher. Alors ça, c'est une justice qui est parfaite. Pourquoi? Parce que la race individuelle, ça n'existe pas. La race humaine, c'est une chose qui doit évoluer. Parce que l'être le plus évolué est retenu par l'attraction de la race humaine qui est assoiffée de se faire aider. On a failli retenir le Nazaréen, on n'a pas pu le retenir. Pourquoi? Parce que le Nazaréen a été suffisamment intelligent pour déléguer quelqu'un d'autre à sa place sur lequel l'homme s'est accroché. Hein? Alors, ce qui fait que quand on parle, quand on prie ou quand on appelle le Nazaréen, celui qui vient nous voir n'est pas le Nazaréen. Tu as deux phénomènes qui viennent te voir. Un égrégore mémoriel du Nazaréen, qui est typiquement astral, qui peut t'avoir comme ça va lui tenter, et un autre individu qui n'est pas égrégorien, qui est vivant et qui est un des plus grands disciples du Nazaréen. Mais l'être humain n'a pas pu s'attacher au Nazaréen. Pourquoi? Parce que le Nazaréen a mis un leurre et tout le monde s'accrochait au leurre puis il l'a gardé. En plus, le Nazaréen a dit... Alors, là où un ou deux d'entre vous seront réunis et demanderont quelque chose en mon nom, je serai parmi eux. Alors, la chrétienté a été amenée à une espèce de crucifix où on adorait un être qui souffrait, hein, et les êtres humains priaient ce crucifix, ce qui n'est pas le Nazaréen. Alors, ce qui fait que le Nazaréen a instauré la technique de la mémoire et de la tradition dans le peuple humain, pourquoi? Pour justement arriver à se libérer. Pendant que la race humaine pleurerait sa disparition, voudrait le revoir, bien, elle serait occupée à se servir d'un crucifix, donc d'une forme symbolique qui n'a aucun lien avec le Nazaréen, à répéter une forme typiquement mémorielle, donc reliée au niveau de l'astral, ce qui a permis au Nazaréen de disparaître du plan planétaire. Mais présentement, la race humaine n'en est pas là. Alors, ce qui fait que les êtres les plus évolués sont retenus par la masse évolutive. Alors, ce qui fait que pour faire évoluer la masse qui est en bas, on ne doit pas travailler sur la masse comme la psychologie, disons, juste de l'homme tente de le faire. On doit s'arranger pour qu'une partie qui, elle, a la possibilité d'énergiser le plan planétaire au niveau de la psychologie soit de plus en plus adéquatement préparée. C'est le contingent nord-américain et surtout au niveau québécois. Et tous ceux qui s'enorgueillent d'être québécois, ben c'est pas la race québécoise. C'est-à-dire que c'est pas le contexte du drapeau. C'est pas le contexte nationalisme québécois. C'est la race physique. Et cette race physique-là va naître à plusieurs places sur la planète Terre. Ils vont déménager ici et les autres vont s'en aller. Bon. Alors, la justice, elle est reliée au niveau du plan d'évolution de la masse. Et l'homme, dans sa psychologie, ne voit la justice que par rapport à ce qui vient lui laisser des traces en lui. Alors, je vois un enfant se faire écraser, ça me touche. Et là, je dis, il n'y a pas de justice. Mais je vois un vieux robinet tout sale, qui est écrasé avec la gonorrhée puis la syphilis se faire écraser. Puis là, je me dis, c'est peut-être mieux pour la race humaine. Bon. Mais pourquoi? Parce que la justice est dépendante, la justice de l'homme, est dépendante de ce qu'il y a en toi. Ah, ça te touche autant, vieux Robineux? C'est ça. Tu dis qu'il n'y a pas de justice, pareil. Parce que selon ce que ça te touche, tu déclares ta justice. Et là, cette justice-là, si elle serait appliquée, ben, il n'y aurait même plus de planète Terre. Parce que chacun a sa justice, et d'ailleurs, on a eu des guerres au niveau de la justice. Alors, chacun ayant sa justice, chacun va pouvoir s'en aller n'importe où. Pourquoi qu'on a un juré? C'est parce qu'on essaie de faire la moyenne de la justice psychologique de la société pour condamner ou pour gracier un individu. C'est pour ça qu'on a un jury d'une vingtaine de personnes pour faire une moyenne de notre justice psychologique. Parce qu'il n'y a pas de justice. Et ce n'est pas une loi écrite qui va décider s'il y a justice ou non. Parce que la loi écrite, c'est juste la cristallisation, justement, de ton contexte, de ton concept de justice. Si tu fais ça, tu es bon. Si tu ne fais pas ça, tu es mauvais. On l'écrit pour ne plus avoir à s'astiner, quitte à condamner des innocents, mais au moins, on ne passera pas des années à se demander. La loi dit telle chose, alors c'est pas moi qui l'ai écrite, la loi, ce qui fait que j'ai pas le choix, ce qui fait que tlant, tlant, tlant, puis c'est réglé. Les juges commencent à se transformer. Hein? Parce que les premiers à être transformés au niveau, disons, de ce qui s'en vient au niveau du Québec, va être évidemment l'électorat, c'est-à-dire que ceux qui vont être élus, lentement, à leur insu, les juges, certains éducateurs, puis ça va descendre lentement dans la masse. Donc, Daniel, si on regarde qu'un homme soit écrasé ou qu'une fourmi soit écrasée ou qu'un building de 40 étages soit construit, du point de vue de l'absolu, c'est tout pareil, ça. Oui, parce qu'il y a un mécanisme qui va amener quelque chose dans la masse. Si pour que la masse brise une forme, on doit amener le pape ici et l'assassiner, bien le pape va mourir assassiné au Québec. Parce que ce n'est pas important, le pape. Si le pape a une mission autre que celle-là à faire, ce qui est d'ailleurs un peu le cas, alors le pape la fera, mais il sera dirigé pour la faire. Et si un idole ou si un n'importe quel phénomène doit se passer dans une masse pour balayer un complexe ou un contexte ou un concept ou n'importe quoi dans la masse, bien ça va arriver. Que la masse trouve cela juste ou non, ça n'a aucune importance. Aucune importance. Le Nazaréen peut réapparaître dans le salon ici, s'arroser d'essence puis se mettre le feu. Ça va briser des formes, j'en suis convaincu. Bon. Mais ces formes-là sont violentes. Et l'individu, évidemment, selon le processus de sa psychologie, va essayer de tenter de dire que ce n'était pas vrai ou que ce n'était pas le bon, ou ben non, il va se suicider, ou ben non, il va comprendre. Ceux qui auront à se suicider se suicideront, ceux qui auront à comprendre comprendront, et les autres, ça représente le reste, on s'en balance. Alors, ce qui fait qu'avant qu'il se passe des événements importants dans la province de Québec, il y a donc une préparation dans la population qui va se faire. Et ça, à l'insu de la population, il y a des choses qui se bâtissent. Et même à l'insu de ceux qui sont manipulés pour les construire. Et là, il y a justice. Alors, ce qui fait que, l'important, c'est premièrement, comme je l'ai dit un peu, il ne faut pas condamner les conférenciers qui sont, disons, hors du domaine qui nous intéresse, nous autres. On a des conférenciers typiquement spirituels, typiquement physiques, hein, des conférenciers typiquement sexuels. Bon, mais ceux-là ont un travail à faire, même à leur insu. Une chose qui est importante à bien se rappeler, c'est que tous ceux qui vont nuire à l'instauration du plan qui est en train de s'instaurer sur la planète et surtout au Québec, ceux-là devront être éliminés. Alors, quelle que soit la bonne volonté de l'individu, si sa bonne volonté elle est mal placée, il devra être transmué ou lui devra être éliminé. C'est-à-dire que l'efficacité de son travail va être empêchée ou si l'individu est trop puissant, donc il est capable de faire un travail qui a une certaine efficacité, donc une certaine résultante dans le domaine de la matière, il sera éliminé. Et ça, c'est une justice. Et présentement, la justice qui va être de plus en plus instaurée au niveau du plan québécois, c'est une justice qui va briser les formes. Donc, une justice totalement injuste qui va frapper n'importe où, à n'importe quelle porte, n'importe quand. Et ça, je ne vous dis pas ça pour que vous ayez peur. C'est simplement qu'il faut comprendre des mécanismes. Parce que ceux qui ne comprennent pas le mécanisme, ta fille se fait violer, tu prends un bâton, tu tues l'autre, tu tues le violeur. Mais tu fais partie du mécanisme de brisage de formes au même titre que le violeur. Et au même titre que ta fille. Parce que le violeur est manipulé. Et toi, tu es manipulé aussi à le faire. Et après ça, on peut te condamner toi, trouvant qu'il y a justice ou injustice, que c'est normal que tu ne fasses pas ta justice. Ta justice, tu n'as pas le droit de la faire. Elle est écrite sur papier, ta justice. Et c'est celle-là qu'on devra faire. Mais ça aussi, ça va te briser. Le mécanisme même de la justice, c'est une justice qui est persécutive, qui est réelle. Quand je disais que La démocratie était une chose luciférienne dans le plan évolutionnaire présent planétaire, mais la justice en est une autre. Et pour empêcher, pour briser la forme de l'étendue de la justice, alors le premier processus a été d'amener l'homme à vouloir protéger la justice. Pour protéger la justice, on a donc une force militante, on a la police. Pour protéger la justice, on a une force militaire. Pour protéger la justice, on a une force de propagande. Hein? Puisqu'on va essayer de balayer un peu les autres. Bon. Alors, ce qui fait que pour protéger la justice, on s'en va vers l'apocalypse. Et l'apocalypse serait le moyen parfait, absolument juste, d'une justice céleste pour amener l'homme à comprendre certains mécanismes. Pour amener l'homme à passer de sa théorie philosophique à la pratique. Ou à l'abandon de la théorie philosophique. Alors, l'état de paix étant un choc, l'individu qui vit en état de paix, ben cet individu-là ne pense qu'à la justice comme à la paix, et ce qui entraîne cet individu-là à se bâtir des mécanismes pour préserver sa justice. Alors, ce qui va arriver, c'est que la justice, l'homme ne peut pas la cerner, sauf si l'homme regarde le résultat, la conséquence d'un événement dans le plan d'évolution de la planète. Mais pas à partir de sa psychologie ou de son contingent éducatif. La justice, elle est où? Moi, je te prends, je t'amène dans un endroit, je te torture, je te brûle, je te soigne et je te parle. On appelait ça initiation avant. Bon. Tu peux sortir de là avec certaines choses, mais la population de sa psychologie a changé. Qui veut subir une initiation qui va réellement le transformer? Plusieurs individus. Parfait. Alors, on y met deux phénomènes. Préparation et dépense d'énergie. On n'est pas fou. Alors, de cette façon-là, on clean tout le monde qui voulait faire une initiation. Alors, ce qui fait que qui réellement veut suivre un processus initiatique? Personne. Alors, le processus initiatique, le processus de la purification par le feu, feu de la souffrance, feu réel, feu solaire, feu énergétique, ben on doit l'obliger dans l'individu. L'individu veut le faire, mais l'individu est paresseux. L'individu a une psychologie très paresseuse, une psychologie qui préfère l'initiation psychologique, l'initiation mentale, l'initiation par le voyage astral, par le trip, plutôt que l'initiation réelle et efficace qui demande une dépense d'énergie. Alors, il y a plusieurs écoles, dernièrement, qui ont tenté de donner des formes, disons, d'apprentissage où le physique était réellement, en demande. On se servait du corps physique. Autre que pour la sexualité, ça va de soi. Disons que ça l'a très, très plu, ça l'a très fonctionné. Bon. Mais ce qui arrive, c'est que les individus viennent et les individus s'essoufflent, les individus transpirent et les individus ne voient pas du tout l'évolution. Le satori, la jouissance totale, le paradis, l'Éden, quand tu transpires, tu pues, puis que tu es raqué. Alors, ce qui fait qu'on instaure donc des formes qui vont amener quand même les individus à venir chercher au moins la vibration. Ce qui est un processus hyper lent, mais un processus quand même qui est mieux que rien. Alors, on les bourre de connaissances ésotériques, spirituelles, on les bourre d'espoir ou de simili-connaissances, puis on leur dit... Bien, essayez de mettre ça en pratique, ce que l'individu ne fera pas. Les seules fois que l'individu va mettre ça en pratique, c'est quand la vie va l'obliger, quand la vie va soutirer de lui la pratique. Alors, étant donné que la masse humaine est rendue à un point d'évolution dans ce genre-là, alors automatiquement, on est proche, on frise un apocalypse. Pourquoi? Parce qu'on devra obliger l'individu à devoir mettre en application ce que sa tête connaît. Les enseignements au début, est-ce que, comme Gurdjieff ou Carlos Castaneda, je ne sais pas trop, là, sur le sorcier Yaki, tout ça, est-ce que c'était un début du mouvement d'intégrer la connaissance avec la pratique? Non, ce n'était pas un début du mouvement pour la simple raison que ça n'a jamais été fait d'une façon réellement intelligente. Quand je veux dire intelligente, je parle d'intelligence supramentale et non pas d'intelligence de l'intellect. C'était une perception d'énergie supramentale, d'une chose qui devrait aboutir à un moment donné dans le plan planétaire. L'individu psychologique a trouvé ça absolument extraordinaire et il a décidé de le faire. Vois-tu, quand la race adamique s'est ramassée en bas, c'est-à-dire on parle de la chute d'Adam et Ève, c'est justement quand des individus ont décidé que c'était extraordinaire, puis pour aider Dieu un peu, bien, ils ont décidé de faire leur processus, puis de se marier immédiatement avec la race planétaire, ce qui a donné un être humain possédant un intellect, un astral, mais suffisamment pas d'intelligence, et l'astral a pu manipuler automatiquement leur intellect que donner la race humaine qu'on connaît là. Sinon, on aurait eu une race violette, comme la race adamique l'était, une race d'élite immédiatement, mais il y a eu un mixage entre la race adamique et la race planétaire avant son temps, c'est-à-dire que Ève a connu un être humain avant le temps, Ève, disons qu'une de, une des Ève, hein, parce qu'il était quelques milliers, disons, n'a pas créé avec un être humain avant son temps, ce qui a donné un enfant qui était surdoué, un surhomme, mais la race humaine n'avait pas suffisamment été en contact vibratoire avec la race violette adamique pour pouvoir, disons, promettre une procréation intelligente. Alors, ce qui fait que moi, je suis super brillant et je m'en vais rencontrer un individu très, très, très sous-développé. Alors, on a une relation sexuelle, on a un enfant. L'enfant va avoir une parcelle de mon intelligence et une parcelle, donc, de l'intelligence de l'autre. Ce qui a donné d'ailleurs deux sortes d'enfants, et d'ailleurs l'un a tué l'autre par après, au niveau de la race adamique, on connaît Abel, Caïn. Et puis, ce qui est arrivé simplement, c'est que la race qui a été générée par justement ce processus donc de mixage-là, avant terme, a donné une race qui, dans le corps physique, n'était pas suffisamment prêt pour pouvoir exprimer des énergies de façon intelligente. Alors, il a exprimé l'énergie de l'astral avec une parcelle d'énergie intellectuelle, ce qui a donné un peu la race humaine jusqu'à ce qu'on en est rendu. Alors, ce qu'il faut présentement, c'est que tous ceux comme Gurdjieff me parle, ou encore Carlos, eux autres, Carlos est différent, Gurdjieff surtout, ont eu des contacts supramentaux dans leur essence, c'est-à-dire qu'eux ne l'ont même pas su. Ils ont eu des visions, ce qui est souvent l'individu qui veut lancer quelque chose de neuf et que justement ce n'est pas le temps, donc quelque chose qui est soumis à disparaître à un moment donné où elle n'a pas fonctionné. Ben, c'est quelqu'un justement qui a une vision de ce qui doit être fait et qui essaie de la mettre de l'exprimer. Mais c'est sa psychologie qui exprime dans la matière la mémoire de la vision céleste ou de la vision supramentale. Alors disons que c'est pas tout à fait le même, c'était pas le début. Le réel début, disons, on a eu la Deuxième Guerre mondiale qui a été le premier début de la transformation des formes pour lancer une technologie d'avant-garde, l'espace et tout ça, pour transformer la science-fiction en chose réelle. Mais là, ce qui est terrible, c'est que ce processus-là n'est pas fini. Toute la science-fiction de l'époque est maintenant réelle. Et toute la science-fiction qu'on a dans nos têtes présentement, à un moment donné, on va devoir y faire face dans le domaine de la matière. Jamais comme on se l'attend. Ça va être trop beau. Mais ça va venir. Vous savez, je le dis souvent, tous ceux qui veulent rencontrer Dieu. Mais si un jour, ils voient rien que son doigt à Dieu, ils vont paniquer, ils vont capoter, puis ils vont se sauver. Alors, on veut le voir, mais quand il est là, on ne veut plus le voir pantoute. Alors, il y a bien des choses qu'on espère, parce qu'il y en a beaucoup avec qui espèrent l'Apocalypse, juste pour le fait d'avoir raison, au moins d'avoir eu peur. Bon, il y en a plusieurs qui espèrent différentes choses. Il y a différentes choses qui vont arriver. Ils vont traumatiser les individus. Alors, si on regarde Krishnamurti, si on regarde Aurobindo, si on regarde d'autres individus qui sont trop près encore, disons, que je nommerai pas, ce sont réellement les débuts de l'instauration de blocs dans le mental de l'homme qui oblige l'individu à casser ses formes. Tous les messages extraplanétaires que nos astrophysiciens reçoivent présentement sont d'autres formes, disons, qui vont obliger par un autre moyen, non pas le moyen de la philosophie, de la psychologie, mais par le domaine de la science, donc par un autre bout de la perche, à obliger les individus à briser leurs cristaux de concepts. Alors, ce qui fait que lentement, on en arrive. Tu sais, les fameux trous noirs que l'on parle, ces choses-là n'existent pas dans la réalité. Pas comme les astrophysiciens le conçoivent. Bon. Et ces trous-là, c'est quelque chose, disons, qui sont... c'est une création illusoire d'un mécanisme de notre galaxie. Mais ce ne sont pas nos astrophysiciens pensent. Mais ils ont... Quand est-ce qu'ils sont apparus? Ils sont apparus dernièrement. Et qu'est-ce qui est apparu des trous noirs? Juste des effluves d'émission de rayons X, entre autres, pour permettre à nos astrophysiciens d'émettre une théorie. C'est-à-dire que nos astrophysiciens ont des contacts supramentaux ignorés et on leur donne certains supports dans la galaxie pour qu'eux autres puissent, avec ces supports-là, pouvoir exprimer une énergie supramentale. Au même titre qu'un individu va être capable d'exprimer une énergie télépathique astrale en tirant des tarots. C'est un support à sa psychologie et il est capable d'avoir raison. Alors, disons que nos astrophysiciens jouent avec des tarots galactiques présentement. Bon, et c'est une chose qui est réelle. Alors, si on regarde simplement le mécanisme même de la justice, elle est reliée, elle régit le plan d'évolution de la planète. Elle ne régit pas l'individu dans sa psychologie. Elle ne régit pas l'homme. La race juive a presque été exterminée. C'était juste. Adolf ne le savait pas. Le prieuré de Sion non plus ne le savait pas. Les forces lucifériennes de Lagartha non plus ne le savaient pas. Mais c'était une chose juste. Si on reviendra en arrière juste un petit peu, là, quand tu disais que la Terre n'existerait pas s'il n'y aurait pas injustice, tu pourrais-tu aller un petit peu plus loin? Oui. Il n'y aurait pas injustice, donc justice céleste, donc il y aurait justice humaine. Alors, quand le pape a décidé que la Terre était plate et qu'il fallait que la justice, la Bible, le livre des livres soit reconnu mondialement, alors sa justice s'est répandue par l'intermédiaire du Portugal, de l'Espagne, de la France, de l'Italie et de l'Angleterre à travers les mondes injustes, les mondes païens. Alors, la justice, donc, de ces hommes-là, ils ont commencé par prendre une carte des terres connues. À l'époque, ils connaissaient les Japon, ils connaissaient la Chine, et ils ont divisé le monde en deux. Alors, un a dit, toute cette partie de la terre-là, elle t'appartient, et il y a deux papes à l'époque, et l'autre a dit, toute cette partie-là m'appartient. Alors, on a divisé la terre en deux, un côté à l'Espagne, un côté au Portugal. Alors, les Portugais étaient en lutte contre l'Angleterre, ce qui fait que les Anglais se sont reliés à l'Espagne à cette époque-là. Il y a eu des guerres par après, puis un peu par avant, mais il y a eu une époque où ils sont alliés ensemble, un peu après l'histoire de la Grande Armada. Alors, ce qui est arrivé, c'est que la justice portugale devait donc s'étendre partout, et la justice espagnole aussi. Alors, quand la justice espagnole est arrivée en Amérique, évidemment, on a la justice normale que les représentants de Dieu sur la Terre aient tout l'or qu'ils voulaient, et toutes les richesses qu'ils voulaient. C'est vrai, mais c'est faux. Alors, on a donc massacré les Incas, on a pillé, on s'est même entretué pour avoir ça, et on prenait possession des terres au nom du pape, au nom de Constantin, au nom de Dieu. Et au nom d'une justice, ben même ces deux justices-là se sont battues en Chine, se sont battues au Japon, c'est-à-dire l'Angleterre et le Portugal, ils ont fait une course pour l'Amérique, parce qu'on connaît Amerigo Vespucci, le premier découvreur de l'Amérique. Par après, on a eu Christophe Colomb, on a eu Jacques Cartier, on a eu donc des voyageurs portugais, espagnols, italiens, qui ont découvert certains territoires de l'Amérique. Et au nom des justices humaines, une chance, il y en avait juste de l'époque, suffisamment puissante, parce qu'au nom de la justice de Genghis Khan et de Kublai Khan, alors on a terrorisé jusque le nord des Russies, puis on a essayé le Japon. Au nom de la justice napoléonienne, on a pu conquérir. Au nom de la justice du Troisième Reich, donc du nazisme, on a fait certaines choses. Mais ces justices-là étaient justes en ce sens que l'injustice, disons, psychologique de l'homme a été manipulée par une justice. Ces guerres-là et ces conflits-là ont été menés de main d'œuvre par des énergies intelligentes, pour la majorité. Mais si tu regardes, disons qu'il y aurait eu justice humaine, alors automatiquement on aurait eu quoi? On aurait eu simplement que tous ceux qui détestaient les Boches, les Allemands, auraient simplement décidé d'exterminer la race allemande. Innocent ou pas, c'est du sang allemand. Si tu regardes simplement lors de la Révolution française, il suffisait juste que tu sois de tel sang pour qu'on t'extermine. Alors, cette justice-là qui est la justice humaine, alors laisse-la dans les mains de l'homme et laisse faire les manipulations extérieures par les énergies intelligentes et tu vas avoir une justice astrale qui va continuellement s'affronter entre, par exemple, le racisme. Tu trouves pas ça normal, toi, que les Blancs dominent la planète Terre? Tu trouves pas ça normal? Non. Ben, il y a le Ku Klux Klan qui trouve ça absolument normal. Et ils sont en train d'essayer d'étendre leur justice à Toronto, à Montréal, dernièrement, et qui massacrent les Noirs. Mais ils savent pas, eux autres, que Dieu est un Noir. Dieu est pas blanc comme ils pensent. Dieu est pas blanc comme ils dessinent. Dieu est un Noir. Ils savent pas ça. Bon. Mais leur justice s'éteint. Alors, si tu regardes tous les phénomènes de justice humaine dans ce genre-là, mais regarde simplement où est-ce qu'on s'en va. Et au nom de la justice, on risque d'instaurer une guerre nucléaire ou une guerre mondiale. Et ça va être encore très juste que ça se passe, qui va se passer. Parce que la justice céleste est intimement reliée au karma planétaire. Donc, il y a des choses qui doivent se passer et qui vont se passer. Donc, c'est un concept que tu nous parles à soir, que Dieu est noir. On peut-tu partir avec ça? Que Dieu est noir! À notre guise, hein? À votre guise, ça va ça. Si on résume, Daniel, la première partie de la conférence, on peut-tu dire que l'homme, parce qu'il ne peut pas voir réellement, clairement, mais qu'il regarde à travers ses concepts, à lui, c'est là que l'injustice apparaît au bout de ses lunettes, finalement. C'est que l'homme ne voit pas là où est la justice, alors automatiquement, l'homme décide d'en instaurer une. Et dans la justice instaurée par l'homme, il n'y a qu'injustice. Et dans la justice que l'homme ne voit pas et que lui appelle l'injustice parce qu'il n'en voit pas le cadre, là, il y a justice. OK, on passe avec une première question ici. Est-ce que ceux qui militent pour la paix ont plus de conscience que ceux qui s'en foutent? Agir vaut-il mieux que ne rien faire? Bon, tu as ceux qui militent pour la guerre, ils militent pour quelque chose. Ils ont tant de conscience que ceux qui militent pour la paix. Hein? Et puis, tu as ceux qui s'en foutent, mais qui, en fin de compte, militent pour d'autres choses. Alors, tous ceux qui militent, militent d'avoir ce qu'ils vont avoir. Mais, non, la conscience, c'est d'être capable de comprendre et de percevoir quelque chose, de l'analyser, puis de voir la conséquence d'une chose. C'est ça, une conscience, un état de conscience. Hein? Et l'état de conscience, ben, les individus qui militent pour la paix ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Hein? J'ai déjà dit qu'on militait pour le désarmement des missiles nucléaires américains, pas pour les missiles nucléaires soviétiques. Alors, si on regarde l'état de conscience même, l'état de conscience de ceux qui militent pour quelque chose, s'ils n'en voient pas les conséquences réelles, et comme les militants sont des militants qui sont groupés en masse, et dans une masse, il n'y a jamais de conscience, il n'y a qu'un troupeau, alors automatiquement, ceux qui militent pour la paix, comme ceux qui font la guerre, comme ceux qui militent pour n'importe quoi, n'en voient pas les conséquences. Ceux qui militent pour la séparation du Québec, comme ceux qui militent pour la non-séparation du Québec, ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'en voient pas les conséquences. Ils ont quelques idées psychologiques, ils savent pas exactement d'où ce que ça vient. Ils en font une étude plus ou moins dépendant de ce qu'eux autres recherchent. Mais ils n'ont aucune idée des conséquences dans 15, 20, 30 ou 50 ans. Alors, ce qui fait que ceux qui militent pour la paix n'ont pas plus de conscience que ceux qui s'en foutent. OK. Selon toi, que vient faire une philosophie comme celle de la Fraternité blanche universelle au Québec présentement? Ben, étant donné que la Fraternité blanche universelle est au Québec présentement, j'en parlerai pas. Chose qui est sûre, c'est que c'est quelque chose qui est très bon en ce sens que ça va apporter et que ça apporte déjà une immense leçon à ceux qui en font partie. Une question qui me vient personnellement là, par rapport à la semaine passée. Des choses qui arrivent. On avait fait parler un peu des arts martiaux. Je me rappelle d'avoir déjà entendu une phrase qui disait « Un geste pensé, c'est un geste raté. » OK? Ça aussi, vas-tu faire un lien avec ça par rapport à la justice et l'injustice? Bon, vois-tu, ce qui arrive, c'est qu'au niveau, non, il n'y a pas tellement de lien à faire. C'est-à-dire qu'il y en aurait un, mais il faut premièrement voir le lien sous différents plans. Dans les arts martiaux, un geste pensé, c'est un geste manqué. Ça veut simplement dire ça que tu, dans les arts martiaux, tu as une pratique de répétition de certaines choses. Et si tu pratiques de façon à vouloir te défendre ou de façon à vouloir être violent, la majorité de tout ce que tu vas apprendre, tu vas l'enregistrer dans ta psychologie mémorielle, celle qui va t'amener une assurance. Parce que tu sais que tu es capable de casser des briques ou de casser la tête de quelqu'un. Bon. Si tu arrives à te battre, tu devras donc rechercher dans ces mémoires-là la méthode pour pouvoir pallier un coup de poing, un coup de pied à une arme blanche ou à une arme à feu. Et tu devras donc réagir en fonction de ce que tu vas avoir trouvé au niveau de tes mémoires. Donc, tu réfléchis pour savoir comment éviter un coup de poing. Alors, si ta réflexion se fait plus lentement que le coup de poing qui te vient, bien évidemment, tu manges un coup de poing en face. Et si tu donnes un coup de poing après avoir réfléchi, donc tu as quasiment télégraphié à l'individu ou à disons à l'animal ce que tu vas faire, ce qui fait que donc un coup pensé est un coup manqué. Parce qu'en réalité, si tu pratiques un art, qu'il soit le tennis ou un art, qu'il soit le judo ou l'aïkido ou le karaté, si ça c'est ancré, donc pas dans ta psychologie, tu ne pratiques pas en pensant. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'idée d'autodéfense, donc de violence déjà, il n'y a pas d'idée de violence, quoi que ce soit. Tous ces mécanismes-là sont donc enregistrés au niveau de la mémoire, non pas psychologique, mais de la mémoire physique et vitale de l'être humain, donc de la mémoire animale. Ce qui va simplement venir gonfler le schéma d'instinct que tu as. Maintenant, l'instinct est contrôlé par la psychologie ou par le mental de l'homme ou par le supramental, dépendant du niveau de l'homme. Alors, automatiquement, si tu aurais à donner un coup, par exemple, si tu te fais attaquer, tu ne seras pas branché dans ta mémoire psychologique, celle de l'agressivité, donc celle où tu devras réfléchir tes coups, mais tu seras branché dans une mémoire instinctive d'animal, celle qui va protéger. Donc, tu sauras instantanément quoi faire parce que tu ne seras pas brimé par la réflexion qui prend un laps de temps. Et le laps de temps de la réflexion, demande-toi si tu freines quand tu vois un enfant devant ton auto, ben tu vas perdre le temps de te demander si tu freines ou non pour après ça appliquer les freins. Et si tu es instinctif, tu vas donc appliquer les freins immédiatement lors de la perception de l'enfant, tu n'auras pas perdu le temps de la réflexion. Et si tu es supramental, évidemment, tu vas appliquer les freins bien avant que l'enfant apparaisse en avant de ton char. Bon. Mais disons que dans le normal, c'est au niveau des arts martiaux, si tu pratiques et ce que ça s'en va, disons, se mémoriser au niveau de l'instinct, tu n'auras pas à réfléchir tes coups et tu ne seras pas animal dans le sens que tu ne seras pas violent parce que c'est pas ta psychologie qui va déterminer ce que tu vas faire avec tes coups. Mais si tu apprends les coups pour, disons, pallier à des mécanismes qui sont manquants au niveau de ta psychologie, tu devras réfléchir pour te battre. Ce qui fait qu'un individu qui, disons, apprend à se battre, c'est un individu qui, comme tous les batailleurs de rue, a certains phénomènes qui vont aller avec. Puis un individu qui apprend, non pas pour se battre, même si c'est une méthode qui ressemble à une méthode de combat, l'individu apprend à se contrôler, et ça, c'est placé au niveau de ses mémoires vitales, donc ça va développer son schéma d'énergie vitale, hein, ça va développer une aura autour de lui où il pourra percevoir par un sixième sens, tous les objets ou les êtres humains qui vont pénétrer dans cet aura-là. Et il saura s'ils sont violents ou non. Et même s'ils sont violents, il ne retournera pas pour taper dedans. Parce que sa pratique n'aura pas été faite en but d'une violence. Par contre, il pourra le détecter. Et si l'individu pratique ça dans le but d'une violence, non seulement il devra réfléchir à quand il aura affaire à un adversaire supérieur à lui ou égal à lui, mais en plus, tous les individus, tous les schémas qui pénétreront dans son aura, il les cataloguera comme étant mauvais, négatifs, parce qu'il va simplement percevoir sa propre émission à lui. Il est déjà violent dans sa psychologie. Alors, ce qui fait que ça crée lentement un individu qui est orgueilleux de par l'expressivité de son assurance, mais qui en réalité a plus peur qu'il avait peur avant. Alors, comme disaient mes amis qui avaient commencé les arts martiaux, avant j'hésitais, maintenant j'ose plus. Dans un autre ordre d'idée, on parle souvent de l'évolution de l'homme en termes que l'homme va atteindre une espèce de conscience atomique. Est-ce qu'il y a une souffrance atomique aussi qui sera l'autre pendant de ça? Disons que les souffrances que l'homme va pouvoir vivre dans quelques temps ou dans quelques générations, ça sert absolument à rien d'en parler. Pourquoi? Parce que c'est pas compréhensible par personne. Si moi je te dis que j'ai eu une attaque de cœur hier, un infarctus ou du moins une angine de poitrine extrêmement aiguë, et que ça l'a fait comme si j'avais une aiguille qui me passait bord en bord du cœur, qu'est-ce que ça représente pour toi ça? J'avais l'impression qu'on m'écrasait le cœur. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ça? Les individus qui font de l'angine savent qu'est-ce que ça représente. Mais toi, qu'est-ce que t'en sais? Le soldat américain qui avait les mains liées derrière le dos, pendues au plafond, et qui se faisait limer les dents par un soldat allemand, qu'est-ce qu'il ressentait comme douleur quand il se faisait limer les dents avec une lime? Ou qu'il l'ait vécu, absolument. Lui, il sait. Alors, même si on en parle, on peut dire atroce, on peut dire très agréable, on peut dire plein de mots. Ça va définir quoi? Une souffrance atomique, de toute façon, l'homme a déjà assez peur de sa souffrance, j'irai pas lui dire en plus qu'il continue d'évoluer, il va souffrir encore plus. Hein? Mais en plus, il pourrait pas comprendre. Et surtout, qu'il y a justement, c'est que le mot souffrance, la souffrance mentale, c'est bien différent d'une souffrance de psychologique. La souffrance mentale, elle peut se donner une idée peut-être qui peut être compréhensible, c'est quand tu comprends le mécanisme et que tu n'es pas capable de le mettre en application. Ce qui fait que tu as une souffrance mentale, non pas psychologique, elle peut dégénérer en souffrance psychologique par l'après, en dépression, etc. La personne qui est paresseuse, qui veut absolument se lever puis qui n'a pas l'énergie pour le faire. C'est son début de souffrance mentale. Mais la souffrance atomique, la souffrance supramentale, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Donc, on n'en parlera pas. OK. Une question aussi. Avec les conférences, les séminaires, les livres spécialisés ou les cours, ne sommes-nous pas plutôt en train de bâtir une mémoire planétaire plutôt que de vivre l'énergie supramentale? Bon, non. Non, puis oui, évidemment. Parce que dans l'ésotérisme, c'est toujours non, puis oui. Bon. Alors, avec les conférences, les séminaires, bref, avec les connaissances que la masse va accumuler, elle est en train de bâtir une mémoire astrale planétaire. Une mémoire astrale planétaire qui va avoir comme fonction de détruire les formes dans l'astral comme dans la matière. Certains conférenciers, etc., détruisent les formes dans la matière. Ou comme une bombe va le faire. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que c'est donc extrêmement important que la masse ait accès à des connaissances pour pouvoir créer l'égrégore, ou du moins qu'on ait des orateurs pour parler, pour pouvoir créer un égrégore de type astral qui, dans l'astral, va s'occuper de détruire les formes astrales. Ce qui fait que toi, à un moment donné, tu crois à une chose, puis de plus en plus ou de moins en moins, disons, tu crois à cette chose-là. Pourquoi? Parce que la chose dans l'astral, elle est déformée et elle se transforme suite à, disons, l'énergisation de connaissances supramentales ou mentales dans l'astral. Et lentement, toi, tu finis par te poser des questions et lentement, tu finis par douter. Pourquoi? Parce que tu es relié à une forme astrale qui est en train de se faire maganer par les connaissances justement qu'on place au niveau de l'astral. Alors, ce qui fait que, oui, c'est un très bon processus, mais ce n'est pas juste là, disons, que va s'opérer le phénomène de l'astral. Pourquoi? Parce que dans les communications, si on participe à de certains séminaires intensifs, d'accord, disons certains, je dis bien certains parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent donner des séminaires, disons, de cet ordre-là, où on va avoir un phénomène beaucoup plus énergétique qu'un phénomène éducatif mémoriel. Alors, l'énergie même va te soulever, tu vas flotter dans les airs une semaine ou deux après le séminaire, l'énergie va te transformer et ça va te permettre, toi, justement, de pouvoir mettre en application des formes de connaissances énergétiques. Mais là encore, l'homme ne sait pas ce qu'est l'énergie. J'ai déjà essayé d'expliquer ce que c'était, mais disons que c'est un phénomène compliqué, parce que seul celui qui le sait, le sait. Et celui qui le sait pas ne peut qu'avoir des idées. Et dépendant de l'idée que t'as, ben, tu le sais ou tu le sais pas, hein? Bon. Alors, la connaissance, c'est simplement l'expression d'une énergie. Alors, si tu réussis à comprendre tout d'un coup un phénomène, ben, c'est parce que l'énergie a réussi à venir en toi et à se placer là où elle devait se placer. Et l'expression dans la matière de cette énergie-là, ça peut être une connaissance. Alors, ce qui fait que le fait de venir à un séminaire ou à des conférences, si tu as de l'énergie au niveau de la conférence, donc, automatiquement, tu vas pouvoir avoir une connaissance. Si tu ne perçois que la connaissance, tu ne perçois pas l'énergie, tu ne peux pas comprendre le processus même, disons, de l'importance de la conférence ou de la connaissance. C'est sûr que lire un livre, ça amène certaines choses, mais ça amène surtout une énergisation au niveau de l'astral à long terme. Alors, une conférence, ça amène une énergisation au niveau de l'astral, une subtilisation de l'astral, mais immédiatement. Et ça amène aussi une transmission d'énergie entre deux plans, le plan des auditeurs et le plan de l'orateur. Alors, ce qui fait que ce n'est pas une chose qui est inutile, c'est même extraordinairement utile. Parce que l'énergie qui n'est pas mise en application par une populace qui écoute va de toute façon être transformée par retour astral et va surtout transformer le reste de la population qui n'écoute pas. Et les individus qui ont accès à l'énergie de l'orateur, eux autres, immédiatement sont transformés, qu'ils le sachent ou non. Mais la transformation, c'est pas une initiation, une conférence. Un séminaire tel qu'on l'est fait présentement dans la province de Québec, ce ne sont pas non plus des initiations. Pour certains, ça peut être des initiations, mais ça ne sont pas non plus. Ça peut être bouleversant et transformateur radicalement. Ça dépend des individus et ça dépend évidemment du but visé par celui qui manipule le séminaire. Mais il y a de l'énergie qui est transmise et là, il y a utilité. Mais il n'y a pas de transformation radicale et immédiate comme lors d'une initiation qu'on ne voit plus depuis déjà belle lurette. OK. L'initiation, en passant, est-ce que ça peut être collectif ou c'est toujours individuel? L'initiation, elle est toujours individuelle lorsqu'elle est faite par une intelligence supérieure, mais elle va être collective lorsqu'elle est faite par une volonté involontaire comme celle de l'astral, manipulée par une intelligence supérieure, une volonté volontaire. On l'a déjà eu sur une conférence. Alors, ce qui fait que présentement, si tu as une guerre, c'est une initiation de masse. Et elle est assujettie aux lois régissant la psychologie de la masse. Si tu as une initiation individuelle, tu vas être assujetti aux lois régissant l'intelligence, soit mentale, soit supramentale. Donc, c'est une initiation de beaucoup supérieure à l'initiation de la masse. Mais la masse ne peut pas être initiée à une initiation solaire, ce qui fait qu'on va donc l'initier à une initiation lunaire, c'est-à-dire qu'une énergie camouflée, transformée, comme par le reflet de la lune, par exemple, et l'individu va souffrir, mais ne mourra pas. Il peut presque avoir le soleil. OK. Une question ici qui est plus environnementale de l'individu, là. Est-il bon de coucher dans des draps rouges ou d'avoir des couvertures rouges sur son lit? Merci. Bon, au niveau des couleurs, on a, disons que je peux peut-être faire un petit retour. L'aura de l'homme, c'est quelque chose qui exprime des énergies qui circulent en lui. Et ça, il faut bien comprendre ça, c'est que les couleurs sont l'expression de la vitesse de vibration des formes d'énergie circulant chez l'homme. On a deux sortes d'aura visibles par un voyant. On a l'aura de l'énergie vitale, donc un petit aura, disons bleu, gris, qui circule au niveau de la surface du corps. Et on a une autre aura, qui est l'aura qui est l'expression de la psychologie de l'homme. Aura qui s'éloigne dans l'éther, dans l'espace jusqu'à l'infini, mais qui est perceptible par l'être humain selon la densité de l'aura. Alors, ce qui fait qu'un individu qui voit une aura qui est à quelques pieds de l'être humain pense que l'aura est limitée par le périsprit de l'âme à ce niveau-là, ce qui est faux. Et l'aura s'en va plus loin, mais l'être humain ne peut pas voir la subtilité de l'aura plus loin que quelques pieds, donc il s'imagine que l'aura est limitée. L'aura, elle est colorée. Elle est colorée pourquoi? Parce que la couleur va exprimer dans la matière l'énergie, justement, de la psychologie de l'homme. Bon. Et évidemment, l'énergie de la manipulation psychologique sur l'énergie vitale et sur l'énergie physique. Ce qui va amener, donc, une expressivité de la condition physique de l'homme dans l'aura. On peut savoir si un individu est malade, si un organe est malade, si un organe est trop yin-yang, si on peut voir l'aura vitale, parce qu'évidemment, dans le vital, tu as l'énergie tellurique et solaire, yin et yang. Alors, ce qui va arriver, c'est que la couleur te va bien ou la couleur te fait du bien si elle est en harmonie avec ton aura. Alors, ce qui fait que coucher dans des draps rouges, si c'est une harmonie avec ton aura, ça peut exciter certaines parcelles de ton aura qui vont être facilement excitables, donc transformables par l'énergie rouge. Alors, ça peut te rendre plus nerveux, ça peut te calmer. Ça va exciter une chose dans ton aura qui va être assujettie à l'énergie rouge. Ça dépend du rouge, ça dépend de tellement de phénomènes, et ça dépend surtout de ton aura. Donc, ça dépend de ta condition psychologique. Il n'y a aucune couleur qu'on peut, disons, suggérer en masse à un individu. Tout dépend de sa condition psychologique, disons donc de son aura. Ce qui fait que le brun ou le beige peut bien t'aller comme il peut ne pas t'aller. Pourquoi qu'il ne te va pas? Parce que inconsciemment, les individus extérieurs perçoivent ton aura, mais ne peuvent pas la lire dans leur conscience, ils la perçoivent, et voyant la couleur, ils ont comme une espèce de réversion vis-à-vis la couleur que tu portes. Le noir aussi à ravir un individu et il ne va pas du tout avec un autre individu. Pourquoi? Cherche pourquoi. Parce que dans son aura, il y a des affinités avec la couleur de son vêtement et avec la couleur de son aura que toi tu perçois mais que tu ne vois pas. Et ce qui fait que ça va. Alors disons qu'au niveau de ces couleurs-là, une chose qui est sûre, c'est que l'être humain n'évolue pas à partir des couleurs. Bon. Alors ce qui fait que, selon moi, ça n'a aucune importance le fait de coucher dans des draps rouges ou non. La seule importance qu'il pourrait y avoir, c'est au niveau médical, curatif, lorsque c'est fait dans un but. Mais le fait de coucher avec certaines formes de couleurs va amener une tendance chez l'être humain à refuser un changement dans sa psychologie s'il y a une affinité avec une couleur. Alors, ce qui fait, disons, que c'est un phénomène qu'il faut tenir compte. La même chose que toi, tu pénètres dans l'aura d'un individu et ça ne va pas. Tu le trouves antipathique, simplement que, disons, on parle de couleur. Là, mais en réalité, c'est les énergies qui vont s'exprimer sous le terme des couleurs. La couleur n'a pas d'importance, l'énergie a de l'importance. Mais parlons des couleurs. Si nos couleurs ne vont pas ensemble, on va te trouver antipathique. S'ils vont ensemble, on va te trouver sympathique. Et plus nos couleurs vont aller en harmonie ensemble, donc plus nos énergies vont arriver en consonance, en résonance, plus on va se trouver sympathique. Et plus ça va être en dissonance, moins on va se trouver sympathique. Et donc, c'est au niveau de couleurs. Alors, ce qui fait que la couleur que tu portes a une influence sur ta psychologie, la couleur des autres a une influence sur ta psychologie. D'ailleurs, les uniformes ont une idée, une transmission, justement, d'égrégores psychologiques astrales qui vont opérer une transformation chez l'individu. Un uniforme va donner, va exprimer quelque chose, et c'est une couleur. Hein? Alors, ce qui fait que, donc, les draps blancs, c'est très bon. Les draps rouges aussi. Il faut simplement ne pas s'attacher à une couleur. Si l'individu s'attache à une couleur, l'individu devient dépendant d'une forme. Si l'individu devient dépendant d'une forme, l'individu devient limité. L'individu est suffisamment limité pour pas avoir à se rajouter des limites. Plus l'individu va être capable d'être ambidextre, donc de coucher dans ce qui coulera, n'importe où, de quelque manière que ce soit, plus l'individu va se libérer de contextes comme ça, plus l'individu va pouvoir se libérer des manipulations de l'astral, et plus l'individu va se rapprocher des manipulations de Dieu ou d'énergie supramentale. Une autre question. Le Nazaréen méritait-il son sort ainsi que Jean-Baptiste? Marie. Bon. Premièrement, il faut voir quel sort et que veut dire mériter. Le Nazaréen ne méritait absolument rien. Le Nazaréen a construit son chemin et il a fait ce qu'il avait à faire. Donc, il n'y a jamais eu aucune forme de manipulation en ce qui concerne la pseudo-mort de Jésus le Nazaréen. Jean le Baptiste était de toute façon un prophète qui avait déjà annoncé certaines choses. C'était la réincarnation de différents prophètes, Jean le Baptiste. Et lui-même savait ce qui devait arriver. Et là encore, il n'y a pas eu de justice humaine. Il y a eu de l'injustice humaine et de la justice divine. Jean le Baptiste avait terminé sa mission. Le Nazaréen n'a pas voulu le revoir. Le Nazaréen n'avait pas lui parlé. Le Nazaréen l'a re-rencontré par la suite parce que de toute façon, le corps du Baptiste nuisait à ce que le Baptiste avait à faire. Les gens, on en a eu plein et les gens ont été importants, ont eu des affinités initiatiques similaires. Alors, si on regarde, le Baptiste lui-même devait mourir parce que sa mission était accomplie. Le Nazaréen et Jean le Baptiste avaient été à la même école, une école essénienne, une école, disons, de la secte des Nazaréens. Alors donc, Jean le Baptiste Nazaréen et Jésus le Nazaréen se sont connus étant enfants. Et ils ont d'ailleurs eu, disons, les deux venaient d'un plan supérieur à la planète Terre. Ils ont vécu ensemble, ils ont appris ensemble. Le Baptiste avait une mission à faire, il l'a accompli. Une fois accompli, le Nazaréen, dans sa justice céleste, c'était pas question d'aller sortir le Baptiste de là ou de faire quoi que ce soit. Le Baptiste va mourir, il y a des choses qui vont se passer, puis après ça, ils vont se revoir sur une montagne devant Pierre et devant d'autres apôtres. Hein? Alors, ce qui fait que les deux n'ont pas mérité quoi que ce soit. Les deux ont construit, ont participé à un plan et ont été soumis à ce plan-là. Le plan divin ou le plan de l'évolution. Quand on parle du plan divin, on parle du plan d'énergie supérieur au plan mental planétaire. Donc, on parle donc du plan supramental. Maintenant, par rapport aux Nazaréens, le plan divin était évidemment le plan du plan divin, c'est-à-dire le plan, la structure d'organigramme d'un plan d'évolution, le plan divin du plan divin. Alors, ce qui fait que Jean le Baptiste a eu et a fait le chemin, il a fait ce qu'il avait à faire. Le Nazaréen, lui, a failli mériter ce qu'il ne méritait pas, c'est-à-dire il aurait mérité s'il n'aurait pas été à la hauteur de la situation. Après sa crucifixion, il y a eu mort du corps physique, il n'y a jamais eu mort du Nazaréen. Il y a eu désintégration du corps du Nazaréen quelques heures après qu'on l'ait placé dans un tombeau. Hein, le Nazaréen n'est jamais sorti du tombeau avec son corps. Le corps a été dissous parce que le corps était inadéquat. D'ailleurs, Jean le Baptiste a eu le même processus de dissolution corporelle, c'est-à-dire que la tête n'a jamais été placée sur une pique. On l'a jamais revu la tête par après parce qu'elle s'est désintégrée même sur le plateau, de même que son corps en prison. Il n'a jamais été enterré. Alors, après la dissolution de ces corps-là, l'individu qui arrive à pouvoir dissoudre un corps de cette façon-là, c'est un individu qui emporte son corps à sa mort, donc qui peut posséder un corps de lumière après. C'est-à-dire que c'est un individu qui a atteint le plan supramental et qui a pu avoir un corps au niveau éthérique, donc au niveau supramental. C'est un individu qui a vécu dans deux plans, un plan extraterrestre et un plan terrestre, donc bilocalisé. Et le Nazaréen a eu un corps de lumière par après, d'ailleurs le corps avec lequel il s'est présenté à ses disciples, à ses 63 disciples. Qui ont porté la nouvelle par après aux autres. Et Jean le Baptiste s'est aussi présenté devant la face du Nazaréen à un moment donné avec un autre prophète sur une montagne dans un corps de lumière, cela va de soi. Pourquoi? Parce qu'il avait emporté son corps à sa mort. Tu as d'autres prophètes, d'autres, presque initiés voulant dire maîtrisant les quatre plans primaires et non pas connaissant, ayant une connaissance. Alors, tu as quelques autres initiés qui, eux autres, n'ont pas emporté leur corps à leur mort. Par contre, ont été rejoints de leur des maîtres du monde, et ces initiés-là ont vu leur corps se momifier. Le corps n'a jamais été dissous. Parce que pour différents processus de libération de l'âme, des énergies vitales, le corps doit se dissoudre pour permettre une dissolution de l'énergie psychologique et de l'énergie vitale, ainsi que de l'énergie mentale, et ces corps-là n'ont pas été dissous. Alors, ce qui fait que le fait que tu aies un cœur non mort, un cœur qui se met à saigner de temps en temps ou qui se met à battre, comme tu as de temps en temps, le fait que tu aies le corps de tel saint ou de telle personne qui ne tombe pas en décrépitude, c'est simplement que l'individu est arrivé à un état de pré-fusion où il a été bloqué dans son processus d'évolution parce qu'il a accepté une fusion avant terme et automatiquement il est relié au plan planétaire, il devra donc être soumis au plan planétaire. Si tu regardes, par contre, les individus qui vont avoir un corps de lumière, ce qui a été le cas du Nazaréen, le cas de Lazare, le cas de différents autres, dont le Baptiste, ceux-là vont rester reliés au plan planétaire parce que la masse planétaire les retient parce qu'elle a besoin. Et retenant le Nazaréen, Lazare, entre autres, au niveau du plan planétaire, ça l'a permis au Nazaréen de fuir. Autrement dit, on est tous les deux prisonniers quelque part. Toi, tu sors, tu te fais tuer, pendant ce temps-là, moi, je me sauve, je m'en vais. Alors, Lazare est resté pogné sur la planète Terre pour permettre aux Nazaréens de continuer son cheminement. Il n'y a pas eu de justice planétaire, c'est-à-dire que nous autres, on se demande si le Nazaréen a... Non, le Nazaréen n'aurait pas été crucifié, il n'aurait pas demandé à Thomas de l'aider dans ce plan-là en le vendant. Hein? Il a fait son cheminement, il l'a préparé, il l'a annoncé publiquement avant pour préparer dans l'astral le cheminement futur. Quand il annonçait que le temple sera détruit et rebâti en 3 jours, vous détruirez le Fils de Dieu et il ressuscitera 3 jours après, ben, il créait déjà dans l'astral le phénomène, comme d'ailleurs on s'amuse à créer l'Apocalypse. On tripe pour l'instant, mais on bâtit dans l'astral des phénomènes qui peuvent à un moment donné engendrer ces choses-là. Alors, le Nazaréen avait prévu ces choses-là. Il a bâti son cheminement de façon à arriver là. Mais il a failli faillir à sa tâche, mais disons qu'il a, après une descente aux enfers, il a pu subtiliser les corps qui restaient et il s'en est sorti. Alors, il n'y a pas question de justice dans le sens planétaire. C'était une mission parfaite. Et ceux qui l'ont trahi ont été manipulés par le Nazaréen pour pouvoir aboutir dans ce cheminement-là. Et en même temps que le Nazaréen, il y a un Melchisédek qui a été crucifié. Dans le même ordre d'idée, pourrait-on dire que les prophètes qui ont été décapités ou tués de d'autres manières étaient justes? Ça dépend des prophètes. Et encore là, juste par rapport à quoi? Tous les prophètes ont été justes par rapport au fait qu'ils étaient manipulés par une intelligence, inférieure ou supérieure. Parce que quel homme est injuste sur la planète Terre? Il n'y en a pas. Pourquoi qu'on ne peut pas juger? Ben, entre autres, c'est parce que les hommes sont manipulés. C'est pas de leur faute qu'ils font. Et c'est un fait. Parce que selon ton éducation, selon les contextes sociaux, tu vas faire certaines choses. Pourquoi tu vas faire un vol de banque? Parce que premièrement, l'argent est important. Deuxièmement, il y a une banque. Troisièmement, on permet les armes à feu. Quatrièmement, il y a des contextes d'événements qui te permettent de faire un vol de banque. Et cinquièmement, il y a un paquet de phénomènes, justement, entre autres, qui vont te manipuler, qui vont manipuler la population pour permettre un événement dans ce genre-là, qui va t'amener peut-être à aller en prison, qui va t'amener à t'apprendre des choses. Mais tu es toujours le jeu d'une manipulation. Alors, on n'a pas à juger. On peut transformer le corps qui reçoit la manipulation, transformer donc les jeux de la manipulation. Là, on parle d'éducation, on ne parle pas de punition. Bon, alors la punition transformatrice qui a souvent été employée, ça a été la lobotomie, ça a été la pendaison, la chaise électrique. Là, l'être n'est plus manipulé. Mais ça crée d'autres formes d'égrégores qui vont engendrer d'autres criminels dans notre plan social. Alors, ce qui fait qu'on ne fait que transposer dans le temps des phénomènes, des problèmes. Alors, ce qui fait que la justice, aucun homme n'est coupable de quoi que ce soit. Les hommes qui font des péchés les font de par leur concept, donc ils se culpabilisent et ils vivent avec un karma qui est relatif et instantané, hein, un karma qu'on appelle le péché. Mais il n'y a pas de péché. Parce que vois-tu, ce qui arrive, c'est que l'individu qui amène une mauvaise chose dans un contexte d'évolution, évidemment, rabaisse son taux vibratoire, mais il aide l'évolution. En ce sens, on peut dire malheur à celui qui va amener, disons, l'apocalypse sur la Terre, mais l'apocalypse doit devenir apocalypse comme on veut. Alors, si on regarde le Nazaréen, alors il y aura des calamités qui viendront sur la Terre, mais malheur sur ceux par qui les calamités viendront. Pas en ce sens qu'ils auront commis des péchés, les calamités devront venir sur la planète Terre, mais eux autres, ceux qui seront soumis, à être donc les propagateurs de ces calamités-là, eux autres, ben c'est des êtres qui auront un plan suffisamment évolué en termes de vibration pour être liés au plan manipulateur, disons, des forces lucifériennes, et ils manipuleront des calamités, mais les forces lucifériennes sont manipulées par les forces divines. Lucifer, Dieu, il serre la main souvent, puis il laisse faire ce qu'il veut faire sur la planète Terre. Quand qu'il répond à un plan d'évolution, même si Lucifer ne connaît pas le plan d'évolution, Lucifer, c'est un être de lumière qui, un jour, a voulu aider Dieu, c'est-à-dire, alors je te parlais du petit coup de pouce que la race d'amis que vous lui donnez, et c'était pas le temps. Si c'est le temps, toi, tu vois à un moment donné que c'est le temps de greffer un troisième membre, un troisième bras à tous les enfants qui viennent au monde. Parce qu'un jour, tous les enfants auront un troisième bras. Alors, ce que tu fais, tu commences dans ton hôpital à tuer un enfant, ramasser deux bras, à les greffer à deux autres, et tu fais la volonté de Dieu. Non, génétiquement parlant, dans 3000 ans d'ici, on aura trois bras. Toi, tu as eu cette perception-là, et tu penses que c'est le temps. Alors, pour aider le plan divin que tu as reçu, tu commences à faire ça. Ben, c'est ça qui était d'ailleurs le problème de Lucifer. Mais c'est un être de lumière. Et même beaucoup plus proche de l'être humain que l'être humain peut le penser. Alors, ce qui fait que la justice chez l'être humain, non, l'être humain est manipulé. Et étant manipulé, le seul coupable, disons, hein, serait le manipulateur. Pas le manipulé. Même si le manipulé pense que c'est lui-même qui régit sa vie, il est manipulé. Tu peux pas faire un vol de banque sur un coin de rue où il n'y a pas de banque. Bon. Donc, il faut un contexte, il faut des valeurs qu'on t'a inculquées, il faut un besoin social, il faut un paquet de mécanismes qui finit par te faire de toi un voleur. Bon, alors ce qui fait que la justice, ceux qui ont été décapités ont vécu des phénomènes. Le Nazaréen connaissait la justice, et d'ailleurs il a dit « pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Pas à Dieu qui disait ça, mais à Dieu dans le ciel, oui, au Dieu créé par l'homme, mais pas au Dieu dans les cieux, pas à son Père à lui. Il disait ça à l'homme. Il disait ça pour ceux qui vont suivre. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ils savaient ce qu'ils faisaient en tabarouette par rapport à eux autres. Mais ils ne savaient réellement pas ce qu'ils faisaient. Non seulement ils faisaient du bien, même s'il pensait faire du mal, parce que le Nazaréen devait passer par ces étapes-là. Alors, ce qui fait que les individus, on ne peut pas condamner personne, on peut transformer par une éducation, par des opérations neurologiques, donc la réception des énergies manipulatrices, et en transformant le cortex ou en transformant, disons, ta réception d'énergie, le réceptacle qui est l'homme, d'une façon intelligente, évidemment, ça va de soi, conséquentielle, ben là, automatiquement, tu élimines la manipulation de l'homme à un astral inférieur. Donc, tu fais évoluer le plan planétaire. Mais le fait que tu perds la tête de temps en temps, c'est qui perd la tête? C'est pas toi, c'est ton corps. Hein? Puis parce que ta conscience, elle est localisée au niveau de la tête, disons que c'est plus important. Mais c'est sûr que tu meurs quand tu perds la tête, disons que normalement, selon un processus normal, l'être humain devrait mourir. Hein? C'est préférable de vivre mort, d'être mort pas de tête et d'être vivant pas de tête. Bon. Sûr, sinon tu te lances en politique, enfin. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que. Mais c'est ça. C'est des choses absolument normales, absolument justes, selon l'ordre des choses. Donc, tous les gestes de l'homme sont sincères au départ. Et puis. OK. Oui. OK. Puis, quand tu disais tantôt que. Bon, il y a un processus que j'aimerais comprendre, là. L'être qui a une vibration plus haute, mettons un être, tu as dit au début, qui est blanc, qui parle à un être qui a plus une vibration basse, qui a plus tendance négative, etc., baisse sa vibration. Mais comparativement à avant, il ne peut pas la baisser au point de tout perdre, de devenir aussi bas que l'autre et ne pas remonter. C'est quoi le processus qui fait qu'aujourd'hui, l'être qui baisse sa vibration est capable de la remonter? Simplement parce que présentement, le plan planétaire est en relation de plus en plus intimement avec l'Esprit Saint, donc avec l'énergie supramentale. Alors, ce qui fait que toi, tu peux baisser ta vibration et dans le contexte énergétique planétaire présentement, il y a suffisamment d'énergie hautement vibratoire pour que tu puisses y avoir accès à un moment donné, donc tu vas augmenter tes vibrations. Ce qui va aussi faire en sorte que des individus qui vont passer une phase d'adolescence, disons, en crise, vont finir par peut-être être délinquants pour, une fois adultes, redevenir réellement extraordinaires. Alors donc, au niveau de la crise de l'adolescence, ils ont perdu des vibrations parce qu'ils ont été assujettis à la masse, disons, de la jeunesse planétaire, à la mode, il y a différents phénomènes d'expressivité de l'astral planétaire. Et ces individus-là, à un moment donné, vont être repris par l'énergie supramentale ou ils vont rester, disons, intégrés au plan de l'astral planétaire. Mais ce qui arrive, c'est qu'étant donné que la planète Terre passe dans un endroit où on a, disons, des effluves supramentales et que le plan planétaire a suffisamment d'énergie donc, de réceptacles physiques pour pouvoir attirer ces énergies-là sur la planète de façon à ce qu'elles soient exprimées sur la planète, ce qui est important. Alors, automatiquement, on a suffisamment d'énergie hautement haute qui ne peuvent pas te toucher, mais qui vont quand même augmenter ton taux vibratoire. Alors, ce qui fait qu'un individu qui est en contact expérimental peut se permettre de faire des conférences, par exemple, dans un endroit où les vibrations sont plus basses que les siennes, et automatiquement, l'énergie supramentale va descendre en lui pour pouvoir protéger son contingent vibratoire, ce qui oblige l'individu, en parlant, disons, dans une salle, dans une audience, à être en contact avec l'énergie supramentale d'une façon qu'il ne serait pas normalement s'il serait seul chez lui, dans le début. Alors, cet exemple-là, au niveau d'un orateur, disons, qui est en contact supramental et qui va faire des conférences pendant un laps de temps, par après, il va disparaître, c'est-à-dire qu'il ne fera plus de conférences publiques parce que le schéma supramental sera totalement instauré en lui, donc il n'aura plus besoin de ce cheminement-là. Cheminement qui est nécessaire pour lui et qui va occasionner des résultats, évidemment, dans une populace, dans un auditoire. Alors, chez les autres individus qui sont, disons, normales, mais reliés, mais ils ne le savent pas, ces individus-là peuvent de temps en temps baisser leur taux vibratoire, ils devront le faire par des mécanismes manipulatoires, disons, sociaux. Tu es pris dans une émeute, tu prends le métro, hein, bon, avec le fait de prendre le métro ou l'autobus, bon, fait que ton taux vibratoire baisse, mais le seuil des dépits bas va augmenter. Sortant de là, automatiquement, tu vas te diriger vers des endroits où tu vas te recharger en taux vibratoire. Des endroits comme ici, des endroits comme bien les places ailleurs, il y en a en masse, alors je n'en nommerai pas tous. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, de plus en plus, tu as des endroits comme ça où les individus peuvent être réénergisés. Donc, ça te permet de plus en plus d'être désassujetti de manipulation de la masse pour être assujetti à une manipulation, disons, collective, mais de plus en plus minuscule pour arriver un jour à pouvoir te retrouver toi-même chez toi. OK. Tu as parlé des Melchizedek. La semaine passée aussi, tu l'as mentionné, puis un petit peu à soir. Est-ce que c'est pas le temps d'en parler ou est-ce que tu pourrais en parler un petit peu plus? Mais qui sait bien que c'est pas le temps pour la simple raison que, au niveau du vocabulaire, disons que le public n'est pas encore prêt à ce qu'on puisse parler, disons, d'une chose qui nécessite un vocabulaire réellement spécialisé. Si on parle de psychologie, on emploie un vocabulaire psychologique. Si l'on parle de mécanique, on emploie un vocabulaire de mécanique. Alors, c'est que présentement, il y a plusieurs individus, par exemple, qui vont m'entendre, qui vont trouver que j'ai un vocabulaire, disons, difficile à cerner. Bon, ce qui arrive, c'est qu'on ne peut évidemment pas resimplifier le vocabulaire tous les fois, disons, qu'on fait une conférence, parce qu'il y a des individus qui sont suffisamment prêts. Et le vocabulaire va s'acquérir de toute façon à la longue, même chez les personnes qui ont de la difficulté à comprendre dans le début. Hein? Alors, après 3 ou 4 fois, le vocabulaire est très compris. Et on va devoir augmenter, disons, de plus en plus le schéma du vocabulaire, la spécialisation de la transmission d'une connaissance, donc d'une énergie, pour que l'individu puisse y avoir accès d'une façon de moins en moins déformée. Et il va venir un temps où on va être capable d'aborder, disons, des sujets comme les Melchisedec ou comme d'autres formes d'énergie, parce qu'il n'y a pas juste le Melchisedec ou l'ordre melchisédien qui régissent le plan d'évolution planétaire. On a plusieurs choses, disons qu'à un moment donné, on va parler, mais présentement, disons qu'il faut lentement adapter le vocabulaire à la population pour qu'à un moment donné, on puisse parler de choses qui nécessitent un vocabulaire dans ce genre-là. OK. Que penses-tu du jeûne d'aujourd'hui pour l'Éthiopie, signé Lorraine? Le jeûne pour l'Éthiopie? Bon, tous les médecins sont d'accord pour dire que le jeûne est salutaire pour la santé. Hein? Et puis, donc, le jeûne pour l'Éthiopie. Présentement, au lieu de prendre des énergies dans les régions industrialisées pour régler les problèmes des régions industrialisées qui auront un jour à transmettre des connaissances, à régir les énergies supplémentales, au lieu de prendre l'énergie pour en arriver là au plus vite, on brûle ces énergies-là pour aller aider des endroits qui, réellement, disons, n'ont rien d'autre à recevoir que l'aide des êtres supérieurs. Les êtres supérieurs, c'est les êtres de la 6e race qui est présentement en essence au niveau du nord du continent nord-américain. Et l'énergie qu'on pourrait se servir ici pour régler nos problèmes, pour pouvoir nous transformer, pour devenir suffisamment, disons, versatile en sens qu'on devenir du verso, donc pour créer une génération d'êtres conséquentiels, la 6e race, hein, la race bleue, un être conséquentiel qui, lui, saura réellement comment régler les problèmes au niveau du reste de la planète, ben, au lieu de créer un être conséquentiel qui va régler à long terme et pour toujours les problèmes, on essaie, et ça c'est normal, c'est une manipulation, disons, qui va essayer de ramener le monde qui est de l'astral à elle-même, et on essaie donc de canaliser les formes d'énergie pour pouvoir donner l'impression qu'on fait une aide, pour donner l'impression de cette justice, pour aller avec nos concepts moraux, comme quoi on aide. Mais on n'aide absolument rien. Je l'ai déjà dit, que lorsqu'on essayait lorsqu'on donnait à ces pays-là, on ne faisait qu'engendrer tous les mécanismes essentiels à garder le pays dans son trou. Parce que le gouvernement en place est le seul à pouvoir aider, et lui, il ne voit pas l'intérêt d'aider. Tous les pays du monde s'occupent de son pays, alors lui fait de l'argent, lui ramasse ses forces militaires, lui fait une petite guerre au pays à côté pour avoir plus, pendant que tous les pays riches s'organisent pour augmenter sa dette nationale, et puis pour pouvoir aider le tiers-monde ad vitam aeternam. Alors, on ne crée pas de situation, de solution à long terme. On ne fait que pallier à des phénomènes blessants dans notre moralité industrialisée. Alors, pour mettre un petit diachidon sur notre blessure psychologique, on donne au tiers-monde. Et si tu regardes, avec quel mécanisme on soutire de l'argent? Avec les mécanismes d'une psychologie souffrante, avec les mécanismes d'enfants. Hein, d'enfants qui sont souffrants, d'enfants qu'on a pris des photos les pires, bon, etc. Alors que ça allait mal là-bas ou non, ça ne change pas qu'ici, on a tout ce qu'il faut pour arriver à aider. Mais si on brûle nos énergies pour essayer temporairement de les aider, toi, tu as besoin, par exemple, d'une machine qui s'appelle, par exemple, un hémiscan, une tomodensitométrie, une machine qui permet ça. Ça permet ça de faire une radiographie de ton cerveau et de couper ton cerveau en tranches, sous 3 plans. Et à partir de là, je peux tout voir. Mais je dois, hélas, pour pouvoir acheter cette machine-là, ne pas acheter différents médicaments, prendre de l'argent et acheter ma machine. Alors, certains patients vont souffrir, certains vont en mourir parce que j'ai pénurie de médicaments. Tous les autres, je vais pouvoir faire de quoi parce que je vais pouvoir localiser exactement les lésions neurologiques. Alors, je fais faire comme le tiers-monde, je n'achèterai pas la machine, puis je vais continuer à vous donner des médicaments palliatifs, puis à faire, disons, de la chimiothérapie, puis à faire un paquet de phénomènes, et vous allez mourir quand même à long terme, et vous allez simplement prouver aux intelligences de l'hôpital que, effectivement, il nous faudrait une machine pour faire des hémiscans. Alors, au fur et à mesure qu'on va continuer à mettre un petit peu d'argent dans les médicaments et qu'on va vous faire mourir à long terme, on va juste prouver qu'effectivement, il nous faudrait la machine. Alors, si un jour on décide, parfait. Les médecins en bas comprennent pas, mais les médicaments, on leur fournit plus, puis les patients, mais au yard. On n'arrivera jamais à rien faire si on ne sait pas ce qu'on fait. Fait qu'on commande la machine, coûte des millions de dollars, on place la machine là, on instruit des médecins pendant ce temps-là, ça meurt comme des mouches, et puis après ça, on vient commencer à placer notre monde, puis on est capable d'arriver à un résultat efficace. Et là, après ça, dans les générations futures, on a des curations, et tout va bien, on peut guérir. Bon, alors là, je te donne un exemple. Mais c'est le même processus. Pourquoi qu'on doit leur donner du lait? Je l'ai déjà dit, j'étais au Guatemala après le tremblement de terre qu'il y a eu en 76. J'étais là 2 ans après et dans les restaurants, je payais pour du lait à grand prix qu'on leur a donné gratuitement lors du tremblement de terre. Mais ce lait, ils s'en sont pas servis lors du tremblement de terre, ils le vendaient aux touristes canadiens 2 ans après. Bon, c'est le Canada qui leur a fourni. Alors, qu'est-ce que c'est que la solution? Alors, il se passe rien. Alors, le jeûne, disons en Éthiopie, ben laissez-le jeûner. Présentement, démerdons-nous donc, nous autres, pour arriver à pouvoir être conséquentiels. Et lorsqu'on va être conséquentiel, lorsqu'on va être capable d'être relié avec l'énergie qui va être capable de nous donner ce qu'on doit faire, pourquoi qu'on doit le faire, puis le résultat que ça va donner, autrement dit, quand on va être relié au plan d'évolution céleste, quand on va être en contact, donc quand on va être connaissant du plan, ben là, on ira voir l'Éthiopie. Et puis là, on arrivera là, en force dictatoriale, en force, disons, obligatoire. Quelle chose, c'est pas bon, on l'élimine. Le peuple veut pas. Ben, balaye le peuple, c'est pas bon. Il peut pas comprendre. Alors, on ira pas faire des votes. On ira pas demander à une population qui comprend pas le processus, ben, donner un peu, pour on va essayer de leur tirer ça, puis ils démerderont avec ça. On ira pas faire de la diplomatie là, pour savoir si, bon, ben, la masse, ils comprennent pas, fait que la masse ont gagné les élections, ce qui fait que le plan, on l'applique pas. La masse comprenne pas, ben on va rentrer là-dedans et on va leur expliquer à la masse. La masse ne peut pas comprendre, pas grave, on va leur obliger. Je dis souvent qu'un jour, l'homme sera veut pas heureux. Puis on rit. C'est pas une farce, hein? C'est une vérité, mais bien plus véridique. L'homme, il veut être heureux, mais l'homme, il n'est pas prêt à faire la démarche pour être heureux. Ben l'homme, un jour, il va devoir être heureux. Fait qu'on n'ira pas demander à l'homme, que voulez-vous pour être heureux? Non. On va les regarder faire, puis on va savoir ce qu'ils veulent. On va être conséquent de ce qu'on va faire, alors ce qui fait qu'on va imposer. Quand on parle d'un gouvernement mondial, va instaurer la paix, puis ça va tout régir. Ça, on a tué hâte. Ouais, mais bonhomme, faut t'arrêter de fumer. Faut t'arrêter de boire. Puis il y a bien des choses qu'il faut t'arrêter de faire. Ouais, mais moi, j'ai dit non. C'est un gouvernement mondial que tu veux qui va régir la paix. Ben, la paix va être instaurée obligatoirement à un moment donné sur la planète Terre. Puis ça, que l'homme le veuille ou non. L'homme, il veut pas tant que ça, la paix. L'homme, il veut la paix dans ce qu'il a lui, dans ce qui le rassure. Il est prêt à déclencher la guerre si tu veux y ôter. Sa paix psychologique qui le rassure temporairement. Mais à un moment donné, on va y instaurer une paix réelle. Pas une paix qui va changer de temps en temps. Pas une paix qui va l'amener à une guerre pour garder sa paix. Non, une vraie. Alors l'homme, il va être heureux à un moment donné, malgré lui. C'est pas une farce. C'est réellement, ça devrait même être épeurant, ça. Bon, mais l'homme a déjà assez peur de même, il verra pas cette peur-là, il va rire avec. Bon. L'Éthiopie, ben, à un moment donné, on va les voir, on va leur dire, il est temps d'arrêter de crever de faim, on va vous nourrir. On va vous montrer comment. Vous allez devoir vous lever. Vous allez devoir faire des choses que vous n'avez jamais faites. Vous allez devoir abandonner des schémas religieux imbéciles qui vous obligent à traverser par-dessus le dos d'une vache sacrée, mais puis à mourir à côté de faim. Ben, à un moment donné, on va tuer ta vache sacrée, on va la dépecer, puis on va te forcer à l'ingurgiter. Puis tu vas vivre. Puis malgré toi. Alors, il y a des phénomènes dans le genre qui vont être imposés. Mais présentement, c'est pas imposable parce que l'homme est diplomatique, parce que l'homme est inintelligent, puis parce que l'homme est moral, puis parce que l'homme court après une justice psychologique, une justice humaine. Alors, ce qui fait que les Éthiopiens, pour l'instant, non. On veut les aider, aidons-les. Commençons par bâtir des plans conséquentiels à long terme. On a besoin d'énergie pour ça. Fait qu'arrêtons de la gaspiller ailleurs. Bon, ça fait du bien d'entendre dire que l'homme va être condamné à être heureux. C'est cette époque, ça va souffrir et ça va broyer. Bon, des pleurs, des grincements dedans, cette époque-là. Ceux qui ont des dents, et ceux qui ont des dents, évidemment. Ceux qui ont des dentiers vont mourir. Des grincements de dents. OK, à soi, on a parlé d'injustice, de souffrance. On peut parler de sensibilité aussi, qui est manipulée, finalement, la sensibilité de l'homme. La sensibilité de l'homme, Daniel, est-ce qu'elle amène à la maturité? La maturité, c'est quoi? Des grands mots. La maturité, disons que si on prend le terme ésotérique de l'ère du Verseau, parce que l'homme du poisson mature, c'est un enfant nouveau-né, c'est même un nouveau-né nain, par rapport à l'homme mature du Verseau. L'homme mature du Verseau, donc l'homme mature, parce que présentement on est dans l'ère du Verseau depuis une vingtaine d'années, alors donc cet homme mature-là, c'est un homme debout. Ce n'est plus un être rampant qui prie Dieu et qui quémande continuellement des énergies supérieures de lui donner ce que sa psychologie inférieure demande. C'est un homme qui va être conséquentiel. Donc, un homme relié à un plan suffisamment développé dans le plan mental pour pouvoir décider une action seulement et seulement si il en connaît la conséquence et que la conséquence va avec un plan conséquentiel, c'est-à-dire dans le sens d'une évolution. Et non pas dans le sens d'amener un résultat à un désir de sa psychologie. Alors, l'être conséquentiel, l'être du Verseau, donc l'homme mature, bien, cet homme-là ne va pas être développé selon un mécanisme, disons, scolaire. Selon un mécanisme, on parle de sensibilité. Plus tu es sensible, qu'est-ce que c'est la sensibilité? Il y a différentes formes de sensibilité. Tu as la sensiblerie, qui est une sensibilité. Tu as la sensibilité de nouveau tactile physique. Tu as la sensibilité de différentes formes. Présentement, la sensibilité chez l'homme n'est, disons, visible ou encore elle est jaugée. Elle est décidée par sa psychologie. Qu'est-ce qu'une douleur dans le corps physique? Bien, une douleur, c'est un mécanisme qui enclenche chez certaines neurones, une émission électrique, qui amène à ton cerveau une information. Ça passe ça par le siège de ta conscience astrale, qui sont le phénomène thalamusien, donc de l'hypothalamus et du thalamus, et après, ça s'en va à ton cortex cérébral, qui ont une partie du siège de ta conscience. Tu sais que tu as mal. Mais vu que c'est filtré par le siège de la conscience psychologique chez l'homme, au niveau biologique, neurologique, le thalamus, la douleur, disons, d'une aiguille qui te pique, disons, un endroit corporel, va être diminuée, augmentée ou prise selon ce qu'elle est, dépendant de la psychologie de l'homme. Alors, la sensibilité de l'homme dépend de sa psychologie. Et présentement, l'homme a une sensibilité évoluante, totalement dépendante de son astral, donc de sa psychologie. Alors, l'être humain peut arriver à avoir une sensibilité, mais une sensibilité intelligente, c'est-à-dire une sensibilité qui pourra être diminuée ou augmentée selon l'efficacité demandée ou encore selon l'événement autour de l'individu. Tout le monde veut ouvrir le troisième œil, voir l'aura. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu vois l'aura 24 heures sur 24, même dans ton sommeil, et que tu n'arrives plus à fermer le troisième œil? Et voilà, tu es sensible, mais tu es fourré, tu es mal pris, tu es pogné, tu te suicides. Hein? Tu as le troisième œil ouvert, mais t'es fait. Alors, je suis plus sensible, je suis télépathe. Puis là, je sais tout ce qui se passe. Je suis en train de virer fou. Ouvrir, c'est une chose. Fermer, c'est une autre. Alors, la sensibilité, elle est présentement régie par le plan de la psychologie. Quelle que soit la sensibilité tactile, la douleur, la sensibilité vitale, la sensibilité astrale, l'aura de perception, la sensibilité mentale, les formes de télépathie, tout ce que tu voudras. Même la sensibilité qui t'amène à être en contact avec le plan supramental. Peux-tu fermer ça de temps en temps ou si tu ne peux pas le fermer? Bon, alors si tu arrives à une sensibilité contrôlée par le plan mental, donc contrôlée par un mental qui possède une forme d'ajustement, donc ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée, alors automatiquement, tu vas être capable de, par une pratique d'art martial ou par différents processus, par exemple, d'ouvrir un champ de perception lorsqu'un danger se présente pour pouvoir répertorier les possibilités de danger, les dangers potentiels, et à refermer ce champ-là lorsque tu es en sécurité. Ou à refermer la sensibilité de perception du champ, donc tu te mets en état d'attention. Et en état d'attention, tu gardes ton champ ouvert, mais à ta conscience, il n'y a pas de sensibilité. Il y a une sous-routine mentale, donc un processus mental qui peut, disons, s'acquérir par différentes pratiques, qui va te permettre, toi, de filtrer que les informations importantes. Le problème de ceux qui deviennent de plus en plus sensibles, c'est qu'ils sont sensibles à, par exemple, aux forces négatives, ce qui va drainer leur énergie positive, ce qui va les affaiblir. Et ils ne peuvent pas fermer, ils ne peuvent pas contrôler leur sensibilité. Toute sensibilité naissante ou existante présentement chez l'être humain, elle est contrôlée par le plan psychologique, donc par l'astral de l'homme. Alors, donc, en ce sens, la sensibilité ne t'amène pas à une maturité. Lorsque tu auras maturité du corps mental, tu auras sensibilité qui pourra peut-être t'aider à une maturité supramentale. Présentement, ce n'est pas le cas. Donc, l'être humain doit procéder premièrement par une amélioration de sa corporalité physique, le seul siège de l'expression dans la matière de toutes les formes d'énergie. Alors, expression, qui va être obligatoire et qui va être permise par un corps en santé et un corps non seulement en santé de type pathologique, mais un corps en santé de type aussi formel, une forme qui est harmonieuse avec, disons, une expressivité d'énergie. Tous les êtres qui ne cadrent pas là-dedans font partie d'une race de non-élus. De toute façon, à un moment donné, on fait une conférence, je crois, sur justement la race des élus. Il y a plus qu'une race d'élus, hein, différents types d'élus. Alors, donc, on reviendra à ce moment-là. Mais une chose qui est sûre, c'est que l'expressivité de toutes les énergies s'exprime dans un corps. Et le corps, selon l'état du corps, va déterminer la forme d'expressivité. Et le corps physique, la forme que le corps physique a, est déterminée par la psychologie de l'homme. Ce qui fait qu'on peut lire la psychologie dans les lignes de la main, dans ton visage, dans la manière que tu t'assois, dans la manière que tu démarches et dans la forme de ton corps physique. Alors, tant que la psychologie de l'astral gère le corps physique, gère toutes les formes de sensibilité, alors il y a donc impossibilité ou enfin du moins difficulté d'expressivité au niveau des énergies de type supramental ou en montant. Alors donc, la base de l'homme n'est pas de quémander le contact supramental, ce n'est pas de respirer des phénomènes supramentaux, c'est simplement de commencer par avoir une corporalité adéquate, corporalité qui peut être développée de différentes façons. Alors, la sensibilité n'amène pas à la maturité dans le sens conséquentiel. OK. Maintenant, une question n'est pas claire. Je vais lire ceux qui sont ici, sont peut-être plus clairs. Ben, dis-moi, la mode donner une réponse pas claire. Ouais, OK. Bon, l'idée qui me venait, c'est comme je me dis, l'homme, faut qu'il boucle. Faut qu'il mette de l'ordre, faut qu'il boucle les choses. Donc, faut qu'il réalise dans son expression les soit tous ses fantasmes ou tout ce qui n'est pas bouclé. L'homme psychologique, non, pas psychologique. L'homme. Pas l'homme. Psychologique, ouais. L'âme du poisson. Mais continue. OK. Ah ben c'est pas clair, c'est ça, là. Rendu là, c'est que, bon, l'expression, je veux dire, où que ça s'arrête, ça? L'expression de la psychologie? Oui. L'expression de la psychologie va s'arrêter seulement quand la psychologie va se rendre compte qu'une parcelle qui habite le même corps et qui est conséquentielle. Vois-tu, l'énergie mentale va brimer l'expression de la psychologie en jouant le jeu de la psychologie. Je suis conséquentiel, donc je ne ferai pas un acte parce que ça va aboutir là. Et c'est déjà le début, disons, de la manipulation des forces du mental sur la psychologie de l'astral. Pourquoi pas faire de guerre? Parce que t'as peur d'une guerre. Alors, si c'est intelligent de pas faire de guerre, je vais donc donner une raison à ma psychologie qui va lui faire peur, donc elle n'exprimera pas la guerre. Alors, ce qui fait que quand l'expressivité de ta psychologie va être freinée, ou arrêtée, ou contrôlée, disons contrôlée, elle est canalisée, bien, dans le début, ça va se faire simplement par le jeu même du mental sur l'astral, c'est-à-dire que le mental va donner des réponses selon la logique de la psychologie. Pas pour brimer ou pour berner l'astral, pour être compris de l'astral, donc selon la logique de la compréhension même de la psychologie. Alors, on va donc dire, tu ne dois pas faire telle chose, parce que si tu fais ça, tu n'auras plus de tarte à la crème le soir. Bon, alors automatiquement, si tu veux des tartes à la crème, tu ne feras pas la chose. C'est un processus d'éducation, un processus un peu barbare, hein, parce que dans ce processus-là, on ne demande pas la compréhension, on ne demande que l'effet. Mais le mental, à l'intérieur de l'individu particulier, lui va obliger la compréhension, c'est-à-dire que le mental de l'individu est l'expression même de la compréhension, donc lui peut se permettre de s'amuser avec sa psychologie comme il va vouloir. Alors automatiquement, il n'y aura plus d'expressivité d'une psychologie fautive quand le mental va simplement voir, bon, alors il y a telle chose que tu veux faire, mais si tu le fais, le mental voyant la conséquence va donc automatiquement donner une interprétation de la conséquence mentale selon ce que la psychologie peut comprendre pour obliger la psychologie à exprimer ce que le mental va trouver conséquentiel d'exprimer. Donc, est-ce qu'on peut dire que tout homme doit traverser une espèce de folie contrôlée à un moment donné? Tout homme va traverser premièrement une espèce de colère mentale qui va être différente d'une colère psychologique. Folie contrôlée, c'est à l'époque de la colère mentale et à l'époque de la lutte entre justement le plan astral et le plan mental, lutte qui ne devrait pas exister comme telle, parce qu'automatiquement, il va y avoir naissance de compétition entre le mental et le plan de l'astral, et ça va dégénérer, disons, un conflit qui n'est pas similaire à celui du mental, qui explique à l'astral une chose pour que l'astral fasse quelque chose qui va être conséquentiel, donc qui va être intelligent par rapport à un objectif, non pas individuel, mais collectif dans un plan d'évolution. On a vu, par exemple, que La psychologie de l'intellect, l'intellect qui est le mental manipulé par l'astral, et disons que le mental, c'est un mental plus supérieur, non pas supramental, mais un mental supérieur à l'intellect, qui n'est plus manipulé ou coloré par l'astral. Alors, vois-tu, c'est que dans le début, l'intellect doit toujours donner des réponses à l'astral, mais il a, disons, transformé les réponses pour plaire au concept de l'astral, pour rassurer l'astral, mais donc l'astral manipulait l'intellect. L'astral manipulait la forme mentale naissante, l'intellect, pour pouvoir avoir une réponse, pour pouvoir la rassurer, mais la rassurer en lui permettant l'expressivité. Alors, je peux donc faire du vol à l'étalage chez des grandes compagnies, ce qui fait qu'eux autres, ils nous volent assez, que je peux voler moi aussi. Alors, l'intellect a bâti un plan logique pour pouvoir éliminer la culpabilité dans l'expression de l'astral. Ça, c'est un phénomène qui existe. Mais à un autre moment donné, on va arriver à toujours le mental qui va toujours donner la réponse à l'astral, comme l'astral va l'avoir enseigné au mental. Mais l'astral va tellement être habitué à ce phénomène-là qu'il va toujours se laisser aller par le mental. Mais le mental va donner une réponse, non plus la même réponse qui dirait « Ah, oh, ben tu peux y aller, exprime-toi toujours, mais ne te sens pas coupable. » Le mental va donner une réponse qui va donc plaire à l'astral, mais qui va manipuler l'astral. Qu'est-ce qui se passe dans le cas d'une personne qui serait aveugle de naissance, exemple, puis qui peut pas percevoir, mais qui peut juste se servir de son imaginaire, donc dans son expression? Tu me dis la différence entre un aveugle des yeux puis un aveugle qui a les yeux ouverts. Hein? Bien souvent, les yeux, ça aveugle un homme, hein? Puis beaucoup plus que bien des choses. Parce que les perceptions extrasensorielles se développent quand on a une perception sensorielle qui est diminuée. Alors, on a plusieurs pratiques où ce qu'on va faire des pratiques les yeux bandés, les oreilles bouchées. On vient souvent aux arts martiaux, disons que prochainement on va commencer des cours ici qui sont justement une prolongation de la théorie conférentielle ou séminarienne ou encore une conférie, une théorie au niveau de cours, une théorie qu'on ramasse tout partout pour l'appliquer dans le domaine du physique pour développer des choses justement. Alors si tu regardes dans n'importe quel justement phénomène, tu vas toujours avoir un phénomène qui va être psychologique, qui ne pourra pas s'exprimer et une expressivité dans le domaine, disons, de la matière. Et si on regarde encore au niveau des arts martiaux, le fait d'avoir les yeux bandés pour répéter certaines routines, que ce soit une routine de démarche flottante, Tai Chi Chuan, que ce soit une routine de n'importe quoi, le but visé n'est pas de briser des briques, le but visé est de répéter des déplacements avec une perception sensorielle diminuée. Ce qui fait que par après, tu vas pouvoir aller dans le bois, les yeux fermés, comme on a déjà fait, et retrouver le chemin de ton chalet, même si tu as 15 minutes à faire dans la neige jusqu'au genou, et qu'il n'y a pas de sentier comme tel préétabli. Et on est 15 à suivre en ligne, puis les individus arrivent à pas se perdre. Bon, tu retrouves la source après pour ramasser ton eau, tu as toujours les yeux fermés, on a fait ça une fin de semaine de temps. Bon, on a même pris des photos. Il n'y a pas une de bonne. Bon. Alors, vois-tu, non, c'est vrai, on a juste des bons. En tout cas, au risque. Alors, ce qui arrive, c'est que donc, en brimant certaines sensibilités, certaines perceptions sensorielles de ton corps, tu obliges d'autres choses à se déformer. À se déformer, oui, parce qu'ils vont grossir et ils resteront pas l'état stagnant. Mais l'idée, c'est que si tu fais ça chez toi, si c'est pas structuré, ben, l'homme étant ce qu'il est, ben, il va faire une fois ou deux pour s'amuser, il va trouver que ça marche, que c'est extraordinaire, il va en parler aux autres, puis lui, il pratiquera plus. Alors donc, c'est préférable de s'inscrire dans n'importe quel genre de phénomène pour pouvoir au moins recevoir des coupes dans le derrière par le fait qu'on a investi de l'argent, ce qui fait qu'on y va, par le fait qu'on a des professeurs qui nous poussent dans le derrière. Alors donc, l'aveugle a la possibilité de développer d'autres sens extrasensoriels, mais il est quand même, disons, il y a un certain problème, celui au niveau de par exemple, de ses yeux ou de ses oreilles. Il va enseigner à ceux qui voient qu'on peut voir pas Dieu. Mais ceux qui voient avec leurs yeux trouvent ça extraordinaire qu'on puisse voir pas Dieu. Mais ils pensent pas le développer. À un moment donné, disons, on ne sait pas développer.